Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast Movies Nerd. On est de retour après une petite absence de quelques mois. Et du coup, comme vous avez pu le lire dans le titre de ce podcast, on vous fait un Movies Nerd spécial, un hors-série Halloween. Donc c'est un hors-série un peu généraliste où on va mettre pas mal de choses dedans. Ce dont on va parler principalement, c'est des films d'horreur. Notre rapport aux films d'horreur, comment on a découvert ça, qu'est-ce qu'on apprécie, qu'est-ce qu'on n'aime pas trop dedans. Et voilà, on a plein de petites catégories qu'on vous dévoilera au fur et à mesure de l'émission. Mais tout d'abord, puisque ça fait un petit moment qu'on vous a pas parlé, on va se représenter, hein, parce que peut-être que vous nous avez oubliés, parce que comme le dernier podcast, Movies Nerd était sorti en fin juin, et ça fait à peu près 5-6 mois qu'on est plus... qu'on a plus sorti d'émissions. Et donc 5-6 mois en temps internet, ça fait à peu près 3-4 ans, je pense. Oui, c'est ça, à peu près. C'est comme les années en chien. Voilà, fait, c'est ça. Donc 7 ans. Donc du coup, moi, je suis Axel, votre hôte pour ce podcast. Et je suis accompagné de mes deux co-hôtes habituels du podcast Movies Nerd, en commençant par Eddy. Salut. Salut. Comment tu vas? Salut, ça va. En plus, on rajoute quelque chose à cette ambiance, c'est-à-dire qu'on commence le podcast alors que c'est le début du deuxième confinement. Oui. Ah ouais, matinée de confiné, chapitre 2. On va voir si la saison 2 va être mieux que la première. Pas sûr que les showrunners étaient au coin, mais bon. C'est clair. Donc voilà, pour ajouter au fun de l'ambiance. Ouais. Non, mais voilà, on va essayer de s'échapper un peu de tout ça, de pas parler de trop de ça, parce que si on en entend trop parler. Et voilà. On aurait dû faire un spécial huis clos. C'est vrai que pour le coup, ça aurait été de circonstance. J'aurais bien aimé, ouais, finalement. Ouais. On va peut-être parler de quelques huis clos, hein, on verra. Ouais, ouais. Et du coup, la deuxième voix que vous avez entendue, c'est Morgane. Salut. Salut. Comment tu vas? Bien, hein, le confinement commence plutôt bien, un petit podcast et tout ça, non c'est cool, hein, Koh-Lanta ce soir, non c'est ouais, bien. Voilà, c'est, moi, ouais. C'est clair, c'est une bonne manière de commencer, hein, s'il y a une bonne manière de commencer. Donc, je vais pas trop vous faire un sommaire parce qu'on a pas mal de points à aborder. On va aller dans la généralité et comme ça en plus vous aurez des petites surprises. Vous savez pas ce qui vous attend, comme dans un film d'horreur d'ailleurs. C'est un podcast à twist. Voilà, c'est ça exactement. Mais à bon twist. on va commencer avec nos premiers souvenirs de spectateurs. Comment on a découvert le cinéma d'horreur, à quel âge on a vu notre premier film d'horreur, donc j'aimerais commencer je voudrais rendre à César ce qui lui appartient. C'est Morgane qui a eu l'idée de ce podcast un peu généraliste, donc j'aimerais bien que c'est toi qui, commence à parler de tes premiers souvenirs, comment tu as découvert le cinéma d'horreur et quel était ton premier film. Alors, ne jugez pas mes parents, hein, parce que quand vous allez savoir l'âge... Non, mais tu nous en as déjà parlé dans quelques podcasts, à chaque fois je trouve ça aberrant. Mes parents étaient extrêmement laxistes, étrangement. Voilà. Moi, mon premier film d'horreur, ça a été à l'âge de 6 ans, et ça a été un grand trauma, mais aujourd'hui, c'est assez ironique, ma relation avec ce personnage, ce film. J'ai découvert, mon père m'a fait découvrir le premier Chucky. Ouais. Donc typiquement le genre de film qu'on ne montre pas à un enfant, hein, de 6 ans. Pour le coup, c'est vrai que c'est bien ironique. Oui, et puis surtout qu'en plus, on parle quand même d'un film où c'est un enfant qui est un peu la victime principale d'une poupée, qui est le jouet le plus innocent de base. Donc autant dire que quand vous découvrez ça quand vous avez 6 ans, outre le fait que voilà, il y avait des images qui m'ont traumatisé, il y a eu un rapport assez... À la fois j'étais traumatisé, à la fois j'ai aimé ce que je voyais. Donc du coup ma curiosité sur le cinéma de genre c'était un petit peu plus ouverte. Il y a très longtemps qu'il est dérangé quand même. du coup ça a été vraiment mon premier film d'horreur, le premier film avec un climat un peu anxiogène, un peu patibulaire comme ça que j'ai vu. Et j'ai un deuxième souvenir aussi, c'est le Jour des morts vivants de George Romero. Alors qui est le troisième film de sa trilogie, qui est pour moi le meilleur, hein, d'ailleurs, hein. Ouais. Le plus abouti techniquement et le plus, pas le plus fun, mais celui qui m'angoisse le plus. Les deux précédents, le premier m'ennuie un peu. Le premier, il est tellement bien. Ouais, il en a pris. Enfin, je sais que c'est pas un argument de dire ça, mais je trouve quand même que La Nuit des Morts Vivants a sacrément mal vieilli. Oui, il a vieilli. Ah, mais bon, c'est un film de son temps, quoi. Mm, mm. Ouais, mais je trouve que voilà, sur les trois, il y en a un qui a mieux survécu au temps. Nosferatu a vieilli et ça l'empêche pas d'être génial. Hein. Mm. C'est vrai, c'est vrai. Et c'est vrai que le jour des morts vivants, voilà, la scène d'intro, on en parlera après par rapport à un petit top personnel, mais la scène d'intro du jour des morts vivants, elle m'angoisse, elle me tétanise. Donc, c'est vraiment deux films que j'ai découverts à l'âge entre 6 et 7 ans. Et c'est vrai que c'est un cinéma qui m'a toujours suivi parce que, en plus, le cinéma d'horreur, là où c'est, on va dire, différent des autres cinémas, c'est que c'est un cinéma qui est interdit à des enfants. Ouais. C'est un cinéma qui est fondamentalement interdit. Et quand on est enfant, quand on est ado, on aime voir ce qui n'est pas permis, en fait. Donc, c'est pour ça que dans les salles de cinéma qui sont fermées aujourd'hui, mais on retrouvait toujours dans les salles pour des salles de films d'horreur, des abrutis de 13-14 ans, tout ça, il y a le côté un peu train fantôme, parce qu'on aime se faire peur, on aime un peu l'interdit. Et c'est un cinéma qui m'a toujours suivi. Et c'est vrai que voilà, j'ai commencé, on va dire, voilà, à l'âge de 6 ans, et puis... Puis c'est un cinéma que j'ai toujours aimé, voilà, avec ses bons et ses côtés les moins bons, mais on y reviendra plus tard. Mais voilà, ouais. Chucky, le tout premier, qui s'appelle Jeu d'enfant en VF. D'ailleurs, c'est la traduction ouais. originale, ouais. d'ailleurs. Ouais. Child's Play en anglais, du coup. Ouais. Et Day of the Dead, le jour des morts vivants de George Romero. Voilà, ça a été mes deux films maîtres. Voilà. Ok. Eddie, quant à toi, du coup. Ben moi j'ai deux souvenirs en particulier. J'ai alors le tout premier, c'est un je devais avoir 8 ans je pense, et c'est juste une scène parce que j'ai pas regardé le film, j'en ai pas été capable. C'était une scène d'un film que j'ai revu récemment et c'est là que ça a fait tilt. C'était une scène de Peur Bleue, le film de Loup-garou, du livre de tiré du livre de Stephen King. Ouais, d'accord. Et en fait, c'est l'une des premières fois où... Oui, non, mais pas le film de requin. Hein, ah ouais, ouais, je me disais Stephen King, requin, loup-garou, je sais pas. Non, non, c'est ça s'appelle pareil, mais c'est pas ça rien à voir. C'est un recueil. C'est un film ou un téléfilm ? C'est un, je sais plus. Ouf, ouais, je sais pas non plus. Je crois que c'est un téléfilm en fait. Je pense que c'est un téléfilm, hein, j'ai pas entendu parler. Mais bon, c'est pas un excellent film, hein, mais du coup, moi j'ai toujours grandi en fait avec ma mère. Son objet de menace, c'était son argument de menace, c'était si t'es pas sage, le loup va venir te manger. Merci maman. Je sais que tu l'aimes le loup aujourd'hui. Hein. Voilà. Et du coup, en fait, bah, je devais avoir 8 ans et je me rappelle, on avait du monde à la maison et je m'étais posé devant la télé. Et en zappant, en fait, je tombe là-dessus. Et je me rappelle très bien, c'était scène de nuit et on voyait en fait en contre-plongée à travers... La caméra était planquée dans des buissons et on voyait quelque chose qui observait du coup une maison et tout. Et à un moment, on voit la personne dans son lit, et là, il y a le loup-garou qui débarque et qui pète la fenêtre et tout. Et quand j'ai revu ça il n'y a pas longtemps, je me suis dit, mais en fait, c'est ce film-là. C'est ce film-là. Et ouais. Je l'ai revu tout à fait par hasard. Et du coup, ça m'a bien traumatisé parce que moi, j'avais peur des loups. Et alors, le concept de loup-garou. Bon, bah voilà. Donc, donc ça, c'est vraiment mon tout premier souvenir de grosses peurs en fait devant une scène de film parce que j'avais pas du tout le contexte du film. Oui, autour. Bien sûr. Et dans le film, ça se situe à peu près au début où c'est la première fois qu'on voit vraiment à quoi ressemble le loup-garou dans le film. Ok. Voilà. T'as vu le film entier aujourd'hui ou pas? Et du coup, j'ai vu le film entier. Ah. Et c'est pas un excellent film, mais il y a un truc avec les maquillages, moi, qui fonctionne mieux, je trouve, que les. Ah bah oui. Donc les loups-garous en déguisement, en maquillage et tout fonctionnent mieux chez moi, me font plus peur que les trucs en images de synthèse. Bah ça, on en reparlera. Il y a un charme qui opère mieux, je trouve. Ouais, c'est clair. Et par contre, mon vrai premier souvenir de film d'horreur, bah, c'est très classique, mais c'est Scream en fait de Wes Craven. Bah oui. Et j'avais 10-12 ans. D'accord, ok. Voilà, donc je ne l'ai pas vu quand il est sorti, mais... j'ai dû le voir. Scream, c'est quoi? C'est 96, ouais. 96. Ouais, moi j'ai dû le voir vers 2000 à peu près. De 2001, 2002, je pense. Ouais, pareil pour moi. Ouais. Donc, du coup, ça c'est mon premier vrai souvenir de film d'horreur. Je me rappelle, c'est Scream et Souviens-toi l'été dernier. Oui, les films slasher, Voilà, c'est très ça. Slasher, hein. Ouais, c'est les films que ma sœur regardait avec ses copines pour se faire peur et du coup j'étais tombé dessus et en fait Scream après je l'avais revu tout seul de mon côté Et j'avais pas spécialement eu peur, même si ça fonctionne bien, hein, le film est très bien fait, mais, ouais, bah oui. Mais c'est surtout que j'avais trouvé ça vachement bien, quoi. Je trouvais que c'était bien écrit et tout, et du coup j'affectionne beaucoup Scream depuis, je les ai tous vus. Ils sont tous bien. Ouais. Ils sont tous bons. Oui. Et le 5 ça, c'est mon premier vrai souvenir de cinéma, c'est ça. C'est ce qui a créé les fondements de mon approche sur ce genre-là, en tout cas. D'accord, très bien. Et d'ailleurs, moi, j'avais un petit, une petite parenthèse à refaire, parce qu'un autre souvenir horrifique, et je pense que c'est commun à beaucoup de gens, mais c'est le clip de Michael Jackson, Thriller. Oui, Thriller, oui. Oui. Et plus que le clip, c'est la musique. J'ai un souvenir de mon oncle qui m'a fait écouter ça, entre guillemets, de force. Oui, j'ai une famille de tarés, hein, je crois. C'est Massacre à la tronçonneuse, ma famille. Donc, le frère de mon père, hein, tout est lié. Et si ceux qui sont fans de Michael Jackson, la chanson Thriller commence par une porte qui s'ouvre et qui grince, et on entend des bruits de pas. Ouais. Voilà, ça me traumatise et j'ai le souvenir de mon oncle qui avait l'album, c'est History, je crois. Non, c'est Thriller. Voilà. C'est Thriller, là. Thriller. Ouais. Et il y a la voix de. C'est pas la voix de. Vincent Price. C'est ça. C'est ça. Vincent Price, ouais. Cette grosse voix. Tim Burton. Dans le CD, enfin, c'était un beau CD et tout, il y avait un petit. Comment on appelle ça, pas un fascicule, mais un livret. Ouais. Et on voyait une image de loup-garou. J'ai le souvenir de mon oncle qui me fait regarder l'image et puis qui l'approche de moi en mode. Bah! Et ça, pendant que la musique démarrait le tout début. D'accord. Et ça, ça a été. mais le clip Thriller, c'est un chef. Ah bah c'est génial. Ah oui, je sais plus qui s'est carisé. C'est pas Martin Scorsese. Bad ou ouais. Lilith, je sais pas. Il me semble Bad et... Ouais, enfin bref, c'est réalisé par un... peut-être John Landis, possible. Oui, John Landis. Voilà, exactement. John Landis, c'est le loup-garou de Londres. Le loup-garou de Londres, ouais, exactement. Voilà. Oui, c'est John Landis. Bah oui. Voilà. Qui est d'ailleurs un excellent film de loup-garou, le loup-garou de Londres. Ouais. Assez dégueulasse et traumatisant, mais c'est presque très bien fait, justement. Oui, oui. Mais du coup, oui, c'est lui qui l'a fait, oui. Mm-hmm. Et ça se voit. Et c'est vrai que quand tu vois les deux œuvres... à la suite ou que tu les compares, il y a des similitudes, oui. Au niveau des maquillages, notamment. D'accord. C'est vraiment, c'est une superbe histoire, hein, Thriller. C'est une belle histoire. Hein. Le clip est très bien. Ouais, c'est clair. Ouais. Ok. Du coup, pour moi, j'ai oublié de dire, mais demain, si vous écoutez ce podcast quand c'est diffusé, demain il y a un autre podcast qui va sortir, qui est un hors-série sur la saga Nightmare on Elm Street, Freddy. Freddy Krueger, hein, pas Freddy Mercury comme a fait la blague Morgan avant l'enregistrement. je raconte justement une anecdote que je vais raconter dans mes premiers souvenirs, donc ça fera peut-être un peu redite, désolé pour ceux qui écouteront les deux. Donc en fait, mon premier vrai souvenir de voir quelque chose qui m'a traumatisé et qui est en rapport avec le cinéma d'horreur, mes parents avaient fait un voyage à New York dans les 95. Et du coup, il y avait un album photo dans notre famille, et on regardait assez souvent. Et ils étaient allés du coup à New York, à Planet Hollywood, qui est un café assez célèbre, c'était tenu par des célébrités genre Arnold Schwarzenegger, etc. Enfin, et Sylvester Stallone, etc. Rien que ça. Enfin, c'était tenu entre guillemets, hein, c'était pas eux qui étaient dans le truc, mais. Je croyais. C'était des actionnaires, et tu sais, ils donnaient des. Je vois bien Schwarzy servir des meufs. Ouais. C'est tout pour vous. En fait, ils donnaient les props, les costumes, les trucs qui étaient utilisés dans les films pour les afficher, enfin pour les montrer, les comme exposer. Les exposer comme dans un musée, quoi. Et dans ce Planet Hollywood à New York, il y avait le costume intégral de Freddy Krueger qui était exposé. Et du coup, je me rappelle regarder cet album photo quand j'avais 5-6 ans avec ma famille. Et puis, on passait les pages et d'un coup, on tombe sur... Parce qu'ils y avaient posé à côté, du coup. Et sur ce costume atroce, parce que bon, Freddy, pour ceux qui voient pas, mais ça m'étonnerait, si vous écoutez un spécial Halloween, il a quand même la gueule qui est complètement cramée. C'est assez violent graphiquement. Parlant. Ah oui. Et du coup, ça m'avait vraiment traumatisé. Et je me rappelle que mes parents avaient vite passé la page parce que, ils avaient peut-être oublié qu'ils avaient fait cette photo. Et du coup, ça m'avait pas mal traumatisé. Et en même temps, ça m'avait intrigué parce que j'avais quand même demandé c'est qui, qu'est-ce que c'est que ce truc. Et on m'avait expliqué, oui, c'est Freddy, c'est un film d'horreur, mais c'est pas pour les enfants. Voilà. Et du coup, j'avais toujours dans un coin de la tête, oui, Freddy Krueger, c'est pas pour les enfants, voilà. Ensuite, enfin, mes parents m'ont interdit d'en voir jusqu'à mes 10-12 ans, donc j'ai pas de souvenir de, d'en avoir vu à 6 ou 8 ans. Donc tu es le seul à avoir une famille normale. Si, moi ça a été, hein. Oui, non, mais toi, c'est parce que t'es tombé dessus par hasard, Eddie aussi. Oui, voilà, mais c'est tout. Hein. Moi, j'ai, moi, on l'a imposé, moi. Moi, c'est, moi, mes parents ne regardaient quasiment pas de films, donc ouais, au moins comme ça, j'étais sûr de ne pas avoir de problème. Non, mais mes parents aiment bien les films, mais n'aiment pas du tout les films d'horreur, en plus, donc voilà. Donc, un autre souvenir, c'était que j'étais fasciné par une jaquette DVD qui était dans un Intermarché où on allait faire nos courses, qui est resté là au moins 5, enfin je sais pas combien de temps, mais 5-6 ans au moins, parce que à chaque fois que je passais dans ce rayon DVD, il y avait cette jaquette de Massacre à la tronçonneuse qui était mais traumatisante. Vraiment, on voyait de loin Leatherface avec... Bon, déjà, le titre, hein, Massacre à la tronçonneuse, ça impressionne. Déjà, ça... Voilà, ça, oui. ça te fout. C'est plus traumatisant voilà. que Oui Oui en Chine. Voilà, hein. C'est ça. C'est clair. Et quoi que Oui Oui, quand c'est en Chine moment, avec oui le en virus... Chine. Ouais, ouais, c'est pas... C'est pas le clair. Meilleur épisode, hein. Ouais, non, clairement. Mais du coup, ouais, voir la jaquette de Massacre à la tronçonneuse et surtout retourner la jaquette et voir le interdit au moins de 18 ans. Ça m'avait, mais je me dis, waouh, vraiment trop. Oui, c'est que c'était interdit ouais. au moins de 18 voilà, ans, c'est carrément. Ça. Ouais, ouais, je me souviens, interdit au moins de 18 ou 16, oh, mais il me semble 18, 16 ans, parce je pense que. Plus. Et voilà, et du coup, derrière, je lisais de quoi parlait le film, etc. Et ça m'avait vraiment marqué, et je pense que j'avais ouais, 8-9 ans, quelque chose comme ça. Mais bon, j'avais toujours pas pu le voir. Donc, en fait, ma culture film d'horreur vient plus à la base. Des Simpsons Horror Show des Simpsons Horror Show qui m'ont vraiment forgé une culture cinématographique et même littéraire d'horreur plus que d'avoir vu les œuvres dont c'est tiré que ce soit Shining ils ont tout repris hein, Freddy Krueger, Shining ouais, Halloween, enfin ils ont vraiment tout fait Ghostbusters, etc. Même si c'est pas vraiment un film d'horreur. Hein. Et du coup, ma culture d'horreur vient plus de là et des scary movies qui sont. je sais que. En fait, j'ai découvert Scream à 16 ans, 17 ans, donc assez tard. Et pour moi, en fait, j'avais vu tellement scary movies que j'étais sûr que le twist de fin allait être que le policier là, Dewey, ou je sais plus comment il s'appelle, était vraiment le tueur, puisque dans Scary Movie, c'est ça le twist, c'est que c'est lui le tueur en fait. Et enfin bref, du coup, ma culture vient plus de l'horreur comédie plutôt que des vrais films d'horreur. Et du coup, pour parler du premier film d'horreur que je me souviens d'avoir vu, c'est vers mes 15 ans. Quand j'ai voulu me faire une cinéphilie, en fait, je suis allé vers Halloween, autant commencer par la base. Hein. Oh, bon, voilà. voilà, et que je me rappelle avoir vraiment beaucoup aimé. Et puis après, pour effacer ce traumatisme d'enfance de Freddy Krueger, je me suis dit, bon, il faut quand même que je voie Les Griffes de la Nuit. Et j'ai aussi beaucoup aimé le premier, en tout cas. Voilà, donc ça, c'est vraiment mes premiers souvenirs, mais c'est à 15-16 ans, donc voilà, vraiment un âge où. Plus trop impressionné par, enfin si tu peux être impressionné par des films d'horreur, mais en tout cas Halloween et Les Griffes de la Nuit, c'est pas ceux qui font le plus flipper, on va dire, quand t'es à cet âge là je pense, et surtout quand tu les découvres en 2015 et que voilà, ils ont un petit peu vieilli quand même, donc 2015, on va pas exagérer, non 2010 pardon, je me suis rajeuni là, voilà, donc c'est ça, ma culture, mes premiers souvenirs de films d'horreur, voilà. Et du coup, avant de passer à la deuxième grosse partie, on va parler de notre rapport au cinéma de genre, ce qu'on préfère dans ce cinéma, quel est notre sous-genre préféré, des choses comme ça. Donc, Eddie, je te laisse commencer. Alors ouais, le truc c'est que le cinéma de genre, je suis pas un grand consommateur de films de genre en fait. C'est pas mon genre de cinéma de prédilection. Donc du coup j'en vois comme ça quelques-uns de temps en temps, ou à des périodes bien spécifiques, genre Halloween. pour le coup. Et j'ai pas une culture énorme. Moi, j'ai vu quelques films de requins, des films de loups-garous, des films de zombies. J'ai vu quelques slashers ou des thrillers horrifiques, psychologiques, des trucs comme ça. Mais les grandes sagas, genre Vendredi 13, Freddy et compagnie, Massacre à la tronçonneuse et tout, j'ai pas vu tout ça. Et c'est pas une culture que j'ai en fait, parce que ça m'attire pas. Et j'estime pas en avoir plus besoin que ça après. Ouais. Mais donc du coup, j'ai pas de genre préféré. Après, je dirais, si je devais vraiment faire des choix, je dirais qu'un très bon found footage façon REC, pourquoi pas. Ouais. Pour le coup, REC, pour moi, c'est le meilleur, clairement. Bah oui, mais après, REC m'évoque vraiment des souvenirs justement de terreur et d'angoisse. Le premier, c'est vraiment c'est vraiment des montagnes russes, je trouve, le premier. Ouais, il est excellentissime. On est, y a même une immersion, même le 2, j'adore. Ouais, mais bah, moi, j'ai vraiment, enfin, le 2 aussi, mais j'ai vraiment ce souvenir du premier où on est vraiment immergé dedans. Dans le premier, c'est qu'il n'y a pas le contexte religieux et tout ça. Donc on est vraiment dans le film balancé de zombies là-dedans, et c'est surtout qu'il y a la violence en fait du cinéma espagnol qui fait pas de concession. C'est tout le monde y passe dans le cinéma espagnol. Ils font pas dans un film américain les personnes âgées et tout ça tu les aurais pas vus en prendre autant, alors que dans la version dans la version américaine de REC qui est absolument pourrie en quarantaine, c'est beaucoup plus soft à ce niveau-là. Alors que là c'est vrai que pour le coup ça va jusqu'au bout quoi. Et après je dirais que l'autre genre que j'aime c'est plus les films d'épouvante que les films d'horreur pure. Moi j'aime beaucoup les Conjuring, les Insidious, les films de maison hantée, j'aime bien les histoires de fantômes. Et après bon, y a certains slashers, Scream quand même parce que j'aime bien les Scream. C'est un très bon sport l'escrime. Et j'ai bien aimé le Halloween de Carpenter aussi, qui est un bon film que je revois pas forcément tout le temps, mais oui effectivement il est bon. Mais je pense que j'aime bien la vision de Wes Craven sur le slasher en fait. Parce que même sur son film de loup-garou Cursed, il le fait un petit peu façon slasher méta et tout ça. Et ça fonctionne bien aussi. Après, on est plus... évidemment, c'est fantastique, hein, mais j'aime bien aussi. Il y a une ambiance dans les films de Craven que j'aime bien. Il y a juste... c'est lui qui avait fait la cabane dans les bois. La cabane dans les bois. La dernière maison sur la gauche, tu veux dire? Non, c'est pas lui. La cabane dans les bois, c'est Drew Goddard, Chris... Oui, voilà, c'est ça. C'est Drew Goddard. Mais il n'y a pas un lien avec Wes Craven ou je sais plus quoi? Non, il y a un film de Wes Craven qui s'appelle La dernière maison sur la gauche, je crois. Ouais, c'est ça. C'est son premier film. Parce que La cabane dans les bois, j'aime pas du tout. Mais du coup, oui, non, c'est pas lui. Non, c'est pas lui. Je crois que c'est... Drew Goddard, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et que, d'ailleurs, je sais pas ce qu'il a fait d'autre. Mais du coup, voilà, je ne suis pas... Non, c'est vrai que je suis pas la meilleure personne pour parler de films de genre et tout, parce que j'ai pas une culture énorme là-dessus. Là, c'est vraiment, pour le coup, c'est une culture très personnelle. Ouais. Et j'ai pas vu les grands classiques comme j'aurais pu le faire dans d'autres genres. Mais voilà, disons qu'il y a certains films d'horreur que j'aime bien voir et revoir à certaines périodes. D'accord, très bien. Mais enfin, je veux dire, dans films de genre, on pourrait inclure la science-fiction et la fantasy aussi. Mais bon, c'est clair que mais là, c'est si pas... on doit parler d'horreur... C'est ça. Comme on va se concentrer sur le cinéma d'horreur. Mais voilà. C'est vrai que j'aime bien les films d'épouvante. J'aime bien les films d'épouvante, ça c'est vrai que j'aime beaucoup les Conjuring, c'est vrai, je les trouve très bien. Mais parce que c'est pas juste là pour faire peur, c'est qu'il y a du fond quand même derrière et ils aiment allier l'émotion et tout ça. C'est toujours assez dramatique, je trouve, surtout le premier. Donc voilà, c'est ce qui me plaît aussi. Et les films d'horreur juste pour l'horreur, ça m'ennuie en fait. Ok, très bien. Et en plus, tu n'aimes pas le gore. Ben voilà, donc déjà ça pose problème. Moi je pense que voilà, tout ce qui... Bon après je le supporte mieux hein, quand même. Mais le gore... comment dire, le gore inutile. Le gore pour du gore, où tu vas voir un film parce que t'as envie de... Tu veux voir des gens se faire découper, des trucs comme ça, ça c'est pas pour moi. En fait, j'ai pas ce besoin de voir des tripes et de l'hémoglobine à l'écran comme ça. Par contre, ben, le gore... le gore où c'est ça passe comme ça dans l'action où ben hop ah bah oui il y a une tête coupée bon ben voilà un bras en moins un truc bon ça va ça passe ouais genre dans The Hobbit quoi oui mais même non mais même plus gore que même sûr, dans un vrai film d'horreur mais ça va mais par contre c'est vrai que oui le film gore de démembrement enfin les films vraiment spécialisés là-dedans ça par contre non non c'est pas du tout ce que je recherche Ok. Morgane, du coup Bah moi, le cinéma d'horreur, je suis assez fan. Alors, dans la mesure où il y a à boire et à manger dans tous les sous-genres. Mais c'est vrai que là, si on me demande le sous-genre horrifique que je préfère, je pense, c'est même sûr, que je préfère le slasher. Dans mes c'est un genre qui... non, on peut pas en ce moment. Mais c'est vrai que le slasher, bon, qui, pour moi, le maître du slasher, ça reste Halloween de Carpenter, même si on a eu d'autres avant. Psychose est un slasher en un sens. C'est clair. Mais c'est vrai que ce genre de film, c'est-à-dire le classique tueur au couteau qui prend d'assaut des adolescents, parfois pas très fut-fut... Ce qui a génialement parodié entre guillemets Wes Craven avec Scream, qui est un peu la quintessence même du slasher, on va dire, dans le nouvel âge hollywoodien. Parce que bon, quand même, des slashers avant Scream, on a eu pas mal. Les années 80, ça a été un peu une mine d'or pour les slashers. Ouais. On a eu des perles un peu méconnues. Je pense à un film que j'ai vu il n'y a pas longtemps, avec Jamie Lee Curtis, justement. Non, pas Maniac Cop, qui s'appelle... c'est un truc qui se passe dans un train avec Jamie Lee Curtis, là. Terreur dans le train, enfin c'est une histoire d'un train avec Jamie Lee Curtis, voilà, c'est un tueur qui, voilà, l'histoire d'un train avec Jamie Lee Curtis. Je peux pas faire plus, je peux pas faire mieux, voilà. Je vais taper ça parce que je suis. Alors attendez, je tape. On fait une petite pause. Le monstre du train, voilà, ça s'appelle Le monstre du train. C'est sorti en 1980. Donc on était dans le classique slasher du tueur qui revient se venger, etc. Ouais. Du tueur masqué. Moi ça me plaît, même si bon il y a eu quand même pas mal d'escroqueries. Je continue à croire qu'Urban Legend, qui est sorti de la cuisse de Scream, hein, est un très mauvais film. Mais dans l'idée, c'est vraiment le genre de film de genre que je préfère. Après, sur le cinéma de paranormal, bon, il y a eu des morceaux de bravoure absolument fantastiques, comme le premier Conjuring, comme Inside Us, notamment le 2, qui est vraiment fabuleux. Bah, les deux premiers se suivent très bien. Hein. Ah bah c'est un diptyque hein, clairement hein, le premier on peut pas aimer le 1 sans aimer le 2 et vice versa hein. Celui qui dit j'aime le 2 sans aimer le et enfin j'aime pas le 2 et j'aime le 1 et moi je préfère j'adore le 2 en aimant un petit peu moins le 1 mais j'aime bien le 1 hein, ouais moi aussi, je préfère le 2 au premier quoi. Bah moi j'ai découvert le 1 parce que... là il y a une semaine donc tu vois je l'ai jamais vu donc mais je suis curieux de voir le 2 du coup ouais, franchement vois le 2 puis là pour le coup il y a de la mise en scène en plus ouais. Et ce que j'aime bien, alors le problème du cinéma un peu cinéma paranormal, tout ça, c'est qu'au fil des années, je regrette que ce soit devenu chose que n'a pas fait James Wan, Dieu merci. C'est devenu un espèce de train fantôme un peu mécanique, un peu répétitif, qui repose toujours sur les jumpscares. Mais pourtant, c'est ce qui est intéressant dans son cinéma, c'est qu'il utilise les mêmes procédés que tout le monde, mais ça marche. Mais ça marche et c'est pas de la parce même qu'il manière, en fout hein, des jumpscares, hein. Mais. Et genre les jumpscares de cache-cache là dans le premier Conjuring avec les mains là qui sortent du noir et qui frappent ça fonctionne hein. Bah oui et puis même dans le Inside Us je vais pas te dire quoi mais Edith vu que tu l'as vu il y a une histoire de gifle à un moment donné il y a une scène de cette scène là au cinéma le jumpscare le plus inattendu il est là Axel je pense que si tu regardes ça le son à fond tu risques la crise cardiaque clairement oui et puis en plus lui il travaille vraiment sur le son oui, en plus. Et ce que j'aime bien avec James Wan c'est que lui ça a été un peu même le concept un peu du twist il a fait un film en 2008 qui est pas son plus connu qui s'appelle Dead Silence qui est vachement bien que je vous recommande. Donc le cinéma paranormal, même le premier Paranormal Activity, je l'aime beaucoup parce que c'est un film conceptuel. Mais le premier après, se regarde bien, moi j'ai pas de souci à revoir le premier, après c'est que ça vire un peu au n'importe quoi. Bah, c'est le problème des bonnes idées qui sont exploitées jusqu'à l'épuisement puisque ça rapporte du fric et le problème d'Hollywood c'est que quand ils tiennent une bonne idée, quand il y a un succès, ils vont se dire bon, plutôt que d'arrêter là et de se dire on va se contenter juste de rester sur le succès du premier voire du deuxième, c'est qu'on va l'étirer jusqu'à l'épuisement. Et du coup le Conjuring Universe, même si voilà le premier Conjuring est vraiment exceptionnel, bah après il a fallu se taper la nonne, il a fallu se taper le premier Annabelle qui sont des films totalement fast-food, des fast-food Conjuring Inside Us 3 hein, et 4 hein, qui sont quelle horreur. Ça en fait 4. Donc c'est vrai que Ouais, la dernière clé. Putain. Qui ne servait vraiment à rien. Mm. Donc c'est vrai qu'après... Adrien ne sera pas du tout d'accord avec nous. Parce que lui, il les a trouvés extra. Mais alors moi, c'est vrai qu'à part les deux premiers, j'ai beaucoup de mal avec les autres. Enfin, les autres, c'est pas l'histoire en elle-même, mais c'est qu'ils ont pas le talent. Enfin, c'est surtout qu'il n'y a pas le talent de mise en scène derrière de James Bond. Quoi. Ah, mais c'est ça. Et ça joue beaucoup, hein. C'est des films d'ambiance, donc... Quand t'as un bon réalisateur, ça change tout, hein, je veux dire. Moi, clairement, alors je sais qu'il y en a beaucoup qui l'aiment, mais je pense qu'on va plus en parler après de celui-là. Je fais un lien avec le remake d'Evil Dead. Il n'y a pas Sam Raimi, ça se voit, quoi. C'est que, je sais qu'il y en a qui l'aiment, mais voilà. Donc voilà, dans l'absolu, bon... Après, c'est pas... Ah, moi, j'ai pas vu le remake d'Evil Dead, là, c'est Fede Alvarez, c'est ça? Ouais. Mais par contre, j'ai vu celui qu'il a fait après, et qui était très bien. Don't Breathe, la maison. Oui, voilà. Là, pour le coup, ouais. C'était bien foutu et il y avait un vrai travail d'ambiance et tout ça. Que je me suis dit, pour le coup, Evil Dead, alors a peut-être de la gueule quand même. Et bah justement, là, tu parles de Don't Breathe. Donc, non seulement j'aime le slasher, mais quand on dérive vers le Home Invasion, alors là, pour le coup, c'est gagnant. Pour moi, voilà, le slasher Home Invasion. L'invasion de maison, hein, pour les. L'invasion. En gros, quand un inconnu veut pénétrer dans votre maison. Mm. Voilà. Et que vous n'y êtes pas forcément invité, ben ça je trouve que voilà, ça marche. Donc les deux combinés, c'est top. Donc le slasher, voilà, c'est ma petite Madeleine de Proust à moi, mon petit péché mignon. Moi je vais te rejoindre là-dessus parce que clairement, le cinéma d'horreur, j'en consomme pas souvent, c'est vraiment très par période en fait. Il y a une période où j'ai envie vraiment de voir plein de films d'horreur et du coup je m'en mate plein et puis après j'en ai marre parce que il y a les recettes aussi qui sont clairement, enfin parfois les mêmes, identiques, voilà, c'est ça. Moi mon péché mignon, hein, c'est le slasher, c'est vraiment ce que j'adore, c'était aussi ma porte d'entrée dans le cinéma d'horreur, c'est peut-être pour ça, mais clairement c'est ce qui me procure le plus de sensations et qui me donne le plus de plaisir. En regardant un film d'horreur, c'est le slasher. Après, moi, je suis je suis un peu moins client. Même s'il y a du très bon, justement Insidious et Conjuring, j'ai un peu plus de mal. Hein, je vais pas vous cacher, mais je reconnais sa qualité plastique et vraiment la réalisation qui est vraiment super. Moi, je préfère Conjuring et Insidious. Ouais, mais je sais pas. J'ai eu un peu de mal avec Conjuring, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi j'ai du mal avec ce film. Faudrait que je retente une troisième fois, mais bon. Non, bah après, t'aimes pas. C'est, hein, voilà, c'est clair. C'est, ça voilà. Se commande pas. Hein. Et du coup, tout ce qui est paranormaux, j'aime bien quand c'est vraiment bien fait. Insidious, par exemple. Mais dès que ça tourne dans. Par exemple, Paranormal Activity, j'aime vraiment pas. Je comprends que c'est intelligent. Ouais, mais c'est du concept. Que hein, c'est concept, que c'est intelligent et tout ça, mais je trouve que c'est. Oh, intelligent, je dirais pas ça. Ouais, non, c'est pas très intelligent, disons que le premier, quand tu le découvres, bon. Tu dis, c'était une bonne idée, quoi. C'est... Pourquoi, ouais, en plus, pourquoi le premier, j'ai découvert, fait, j'étais en apprentissage, donc j'étais pile poil dans l'âge qui. Dans le public visé. Ouais. Et c'est vrai qu'on aimait bien, entre copains, se faire peur, regarder des émissions de paranormal, des trucs comme ça. Et pour le coup, les gens qui filment chez eux parce qu'il se passe des trucs bizarres et que tu les vois un peu, tu vois un peu les phénomènes à la caméra, mais sans voir de monstres et tout, ça fonctionnait bien en fait. Ouais. C'est surtout qu'aujourd'hui, ça a lancé une mode parce qu'il y a plein de gens sur TikTok qui font des petites mises en scène comme ça à base de. Ça a lancé un peu le truc finalement, Paranormal Activity. Hein. Mm. Ça, je trouve. Sur TikTok, on retrouve plein de petits. Bon, c'est, ouais, ouais. C'est après, que ça soit nul ou pas, de toute façon, ça a marqué les années 2009-2010. Hein. C'est clair. Et puis, il y a eu plein de. Et coups d'en. Ça a lancé le côté le film qui a terrorisé Steven Spielberg. Maintenant, voilà, on jouait un peu là-dessus. Ouais. La bande-annonce de Paranormal Activity, c'était que les réactions des gens dans la salle. Ouais. En soi, il l'avait fait avec Rec. Hein. Le premier Rec, c'était ça. Pour le coup, ça faisait vraiment flipper ça. Ouais. Mais je regarde pas solo celui-là. Tu vois, le gore dans Rec ne me dérange pas, par exemple. Ouais, mais parce que c'est justifié, quoi. Voilà, c'est ça. En fait, il ne faut pas que ce soit gratuit. Mais ouais, tu vois, ce qui est found footage aussi, j'ai découvert Je sais que c'est une aberration de dire ça, mais Blair Witch, je l'ai découvert cette année. Tu vois ? J'adore. Et j'ai pas trop aimé, quoi. Ah, moi, j'ai pas du tout aimé. Alors, je me fais chier. Moi, je trouve que c'est chiant. Je m'emmerde, clairement. Faites comme moi. Si c'est pour voir un orteil de sorcière à la fin, ben, faut pas nous faire chier pendant une heure avant, quoi. Alors, quand on habite à côté d'une forêt, ce qui est mon cas, et qu'on sort son chien à 8h quand il fait nuit, je vous garantis que vous voyez Blair Witch, vous êtes traumatisés. Mais c'est vrai que non, moi je suis pas. Alors oui, Blair Witch. Ouais, moi. Et suggérer les choses, c'est bien parce que ça peut amener, ça peut amener à quelques effets intéressants au niveau de la psychologie du spectateur. Mais alors par contre, quand c'est que du suggéré. Blair Witch, je me fais chier. Hein. Ouais, par moi contre, je me suis. C'est générationnel, Blair Witch. Je pense qu'aujourd'hui le film a moins d'impact, mais à l'époque. Parce qu'à l'époque, en plus, il y avait beaucoup de personnes qui croyaient que c'était des images vraiment réelles, retrouvées. Ouais. Donc c'était suggéré, mais crédible dans la mesure. À l'heure d'Internet, c'est un film qui fonctionne. Oui, moins. Mais tu vois, c'est des trucs qu'ils ont déjà fait avec Cannibal Holocaust, par exemple, dans les années 80. Moi, c'est un film que. Le film préféré d'Eddie. Alors que je ne verrai absolument jamais. Et d'ailleurs, je l'ai marqué dans ma chronique après. Me suis juré de ne jamais voir des films comme Cannibal Holocaust, ce genre de choses trop gore pour moi. Voilà. Je m'autocite. Et maintenant, je ne verrai jamais ce film-là. Non, mais c'est surtout qu'on a tué des vrais animaux. Et oui, ça, en plus. Ça, c'est vraiment. Le réalisateur, je crois, a même été obligé de justifier que ses acteurs n'étaient pas morts. Non, mais. Oui. Non, mais voilà, tu vois, genre, c'est des trucs qu'ils ont déjà fait dans les années 80. C'est juste des trucs repris. Pour Blair Witch, je trouve que il y avait rien d'invent. Enfin, ils ont juste repris le principe de Cannibal Holocaust puisque c'est aussi un fan footage. Voilà. Bon, moi personnellement, j'aime beaucoup Cannibal Holocaust. c'est pas la question. C'est un film que j'aime beaucoup et que je trouve très très très bien fait. Mais voilà. Après, c'est sûr, ils peuvent pas faire plus réaliste. Hein. c'est pas des vrais gens. Oui, mais c'est des vraies tortues. Par oui, ça c'est le seul truc que j'ai découvert. Putain, ils ont buté Franklin. Que les j'ai cons. Découvert ouais. Plus tard après avoir vu le c'est film. C'est pour ça que tu l'as pas eu très cher sur Amazon. Oui, ils l'ont buté. Ouais. L'épisode de Franklin fête Halloween il est très bien d'ailleurs, je l'ai revu il y a pas longtemps. Ok, bah on peut vous conseiller ça si vous voulez. Non mais ouais, du coup voilà, c'était mon rapport personnellement au cinéma de genre. C'est clairement plus le slasher et je regarde pas tout le temps quoi, clairement, parce que sinon ça m'emmerde vite fait. Par exemple, j'avais découvert aussi Hush cette année, et pourtant j'aime bien les Home Invasion comme toi, Morgan, mais j'ai trouvé ça nul. Oh, c'était non, mais j'ai pas aimé. Ah, mais franchement, c'était d'une connerie abyssale. Et en plus, je déteste quand les personnages sont cons comme des manches, mais alors là, c'était vraiment le pop. Enfin, voilà. C'était vraiment nul. Bref. mais le Home Invasion, c'est bien, quand c'est bien fait, j'adore aussi. Le huis clos, pareil. Tu vois. J'avais Cloverfield, le deuxième. Il est vraiment bien. Cloverfield, le deuxième Cloverfield Lane. Désolé, je ne trouvais plus le nom. C'est moi, vraiment, le premier, c'est... oui, je ne suis pas fan. Enfin, ça me donne mal au crâne, le premier. Ouais, il fait... il a trop c'est Gerbotron, je trouve, un peu. Ça bouge trop partout. Mais j'y arrive pas. Après, voilà, le fan footage, c'est bien, mais il faut arriver à suivre quand même. Quoi. C'est ça. Il faut avoir des bonnes idées de mise en scène aussi, parce que si c'est juste donner une caméra à vos acteurs et ouais. Les acteurs... Ou juste mettre ces acteurs devant un écran d'ordi et filmer leur conversation Skype. Unfriended, alors là. Par exemple. Non, c'est super, voilà. Mais ça, c'est... Ça, pour moi, c'est pas du cinéma, je suis désolé. Ouais, c'était vraiment pas bien. Morgan adore ce film. Là, pour le coup, c'est une perspective de mise en scène autre dans ce film. Oui, c'est la perspective de mise en scène, c'est de ne pas avoir de mise en scène. Mais si, parce que c'est joué sur des éléments de notre vie actuelle. Pour le coup, c'est un film ultra moderne. Puis même, c'est... le deuxième, je peux comprendre, mais le premier, je... Ah, s'ils ont fait un deuxième en plus, c'est vrai. Ouais, mais qui lui pour le coup elle est beaucoup plus loin et c'était un peu trop invraisemblable à force. Au bout d'un moment j'y croyais plus. Ouais, mais le 1, j'adore. On parle d'Unfriended. Hein, ouais, Unfriended. C'est. Pour moi, c'était le problème principal de ce film, c'est pas sa mise en scène, c'est clairement les acteurs et le scénario qui est. Bah, les acteurs sont pas terribles, mais c'est. ça, à la limite, c'est pas grave parce qu'ils meurent tous. Voilà. Non, mais, je sais plus, là, le mec, il me finit dans un mixeur ou je sais pas quoi. Enfin, ouais, c'est, ouais. C'est pourri. Non, mais c'est bon, bref. Non, ouais, moi, le problème que j'ai quand c'est des films d'horreur et que c'est mauvais, c'est que c'est vraiment c'est un cauchemar à finir. Parce que c'est, ouais. tu t'emmerdes, tu trouves ça nul. Quand le scénario ne suit pas, quand tu vois les ficelles, quand tu sais qu'il va y avoir tel jumpscare, etc. Pour moi, les mauvaises comédies et les mauvais films d'horreur, c'est les pires films. Parce que c'est quelque chose, bah, tu te fais vraiment. Enfin, quand t'as vu les ficelles, et tu te fais vraiment chier, quoi. Ça te touche pas. Quand ça te touche pas, c'est emmerdant. Voilà. Et donc, voilà. C'est tout ce que et t'as cette scène, fameuse scène du miroir où tu regardes derrière, au départ tu vois rien, puis elle se retourne, la fille se retourne, elle regarde, et dans le miroir, ah, il y a un truc derrière. Ouais, voilà. Et c'est le truc qu'on a vu. Ça, c'est le truc qu'on a vu partout. Et ouais, c'est ce que j'aime chez James Wan, c'est qu'il réutilise ça. Et donc lui, c'est même pas il va pas faire du champ contre champ, déjà, c'est la caméra qui va tourner. Et c'est surtout que quand il va faire ça, la personne regarde devant elle, elle se rend compte qu'il y a un truc qui est bizarre un peu derrière. Donc elle commence à se retourner et la caméra tourne en même temps. Mais en fait, pendant qu'elle tourne, tu vois le truc bizarre dans le plan, la caméra continue et finalement, et c'est là que tu te dis, mais attends, il y avait un truc là. Et c'est pour ça que ça fait peur. Parce qu'en fait, il intègre l'élément perturbant dans le décor presque. Ouais. Et du coup, ça joue sur ça joue sur la psychologie. Est-ce que j'ai rêvé où il y avait bien un truc bizarre et là il te révèle le truc bizarre, ah, et c'est affreux, et c'est pour ça que c'est génial. Ouais, c'est vraiment trop bien fait. Donc voilà, on a commencé un petit peu à en parler, mais on va du coup passer à l'évolution du cinéma d'horreur ces dernières années, puisque chaque période a eu un peu son sous-genre préféré. Donc par exemple dans les années 80-90 on a eu du slasher, les films paranormaux dans les années 2000-2010, torture porn aussi avec Saw et Destination Finale, Hostel aussi, enfin voilà. Ah, et Destination Finale c'est considéré comme du torture porn? Moi je crois pas. C'est un genre de slasher, hein, Destination Finale, hein. Ouais, c'est la mort qui tue directement, donc ouais, ça, ouais, bon. On peut pas faire plus éloquent, voilà. Mais du coup, voilà, cette évolution, et du coup, ces dernières années, on a. Enfin, comment dire, il y a eu un shift cette année, parce qu'il y a quand même. Enfin, ces dernières années, il y a eu des films qui ont un peu révolutionné, entre guillemets, avec, par exemple, cette année, Invisible Man ou Get Out en 2017. J'ai pas vu, hein. Ouais, qui est Invisible Man, qui est vraiment, vraiment bien. Vraiment. Je le vois, celui-là. Ouais. Le temps, du coup, là. Qui est par Lee Whannell, il me semble. Qui joue dans Insidious, le frère de sang de James Wan. Voilà. Oui, mais il a pas fait le premier Annabelle, lui. Il a fait Insidious 3. Oui, c'est lui. Voilà. Et il joue aussi. Insidious 3, c'est pas le pire. Non, mais celui-là, il est vraiment bien fait au niveau technique, etc. Donc, c'est aussi un genre de renouveau avec le Candyman aussi. Je sais même pas s'il est sorti, s'il devait sortir. Mais c'est plus de. Ah oui, c'est lui qui va faire le film sur le loup-garou aussi. Oui, voilà. Ah oui, avec Ryan Gosling. Ouais. Ça va être cool, je pense. Donc voilà. Qu'est-ce que vous pensez de cette évolution, Morgane, dis-moi. C'est compliqué. Hey, on a oublié de parler des remakes aussi. Hein, on va les aborder de toute façon. Dans les années 2000, le remake des films des années 70, 80, 90, ça, c'est. Donc quoi, c'est pas nouveau. Hein. Ouais. Donc Disons que l'évolution, en fait, encore une fois, ça dépend du genre. Par exemple, ce qui me pose problème aujourd'hui, et ça je le remarque, c'est qu'il y a des sous-genres, des sous-genres de films d'horreur qui prennent le dessus par rapport à d'autres. Aujourd'hui, des slashers, on en a plus, par exemple. Okay. On n'en a plus du tout. Ouais. Hein. On a Scream 5 qui arrive. Honnêtement, je prends les paris que le film ne sera pas. Ce sera une fanfiction, tout au mieux. Mais bon, et c'est qui le fait, on ne sait pas. Les réalisateurs de Wedding Nightmare, qui étaient pas mal pour le coup, j'avais bien aimé, mais ça reste des poulains, quoi. Ouais. Wedding Nightmare, c'est le truc, oui, alors, c'est avec la mariée là qui doit se défendre de sa belle famille, c'est ça? Oui, celle qui ressemble à Margot Robbie. Oui, c'est vrai qu'elle lui ressemble trop. C'est vrai. Moi j'ai cru que c'était elle au départ. Moi aussi, quand tu la voyais en vignette sur YouTube, je sais, c'est Margot Robbie ça. Non, non, c'est pas elle. Mais le problème, c'est que voilà, les slashers, on en a plus beaucoup. On est aujourd'hui quand même pas mal envahi de bah, j'en parlais tout à l'heure, de trains fantômes paranormaux à base de boue, de petits fantômes qui font claquer des portes. Donc, j'ai l'impression quand même que, 6 films sur 10, je me fais un petit peu douiller, je me fais un peu escroquer parce que ce pourquoi on aimait bien le cinéma d'horreur dans les années 80, enfin, le cinéma d'horreur dans les années 80-90 était apprécié, c'est-à-dire pour ce qu'il était, c'est-à-dire c'était du popcorn movie. Aujourd'hui, malheureusement, on voit les failles, on voit les ficelles, on sent la douille, quoi. Par contre, il y a eu. Enfin, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'une majorité de personnes se tournent vers un autre cinéma de genre, c'est-à-dire un cinéma qui est beaucoup plus expérimental. Par exemple, Ari Aster, même si je ne suis pas fan de Hérédité, mais j'ai adoré Midsommar, par exemple, qui est un film de genre. Alors, pour le coup, ça va être trop dur pour moi, ça. Midsommar, non, c'est pas gore, à part la fin, mais c'est plus de l'expérience un petit peu qui te... Voilà, on est plus dans l'expérimental. Il y a aussi It Follows, par exemple, qui est sorti en 2015. Ouais. Pour moi, c'est presque un slasher, It Follows. Ouais, bah, oui, bah, c'est un slasher revisité, en plus. Et il y a eu aussi Jordan Peele aussi, on aime, on n'aime pas, mais en tout cas, il fait un cinéma qui est un peu différent. Ouais. Le problème, voilà, c'est qu'aujourd'hui, le cinéma d'horreur est un petit peu... Moi, c'est que j'arrive même pas à savoir si c'est du cinéma d'horreur, Jordan Peele, quand même. Enfin, en tout cas, enfin. Pour moi, c'est vraiment plus du thriller que du cinéma d'horreur. Ouais, avec une teinte horrifique quand même. Mais parce que c'est un thriller qui est pas trop aux yeux, quoi. Ouais, puis Get Out, Fincher serait capable de faire le même genre de truc, et c'est pas des films d'horreur qu'il fait. Bah après, moi personnellement, Get Out me fout les jetons. Ouais, pas. Je suis pas bien. Aussi. Mais c'est vrai. C'est vrai que j'ai l'impression qu'aujourd'hui voilà, on est dans un cinéma un peu industriel, que la plupart des films qui sortent sont des films c'est du fast-food, quoi, et j'ai plus spécialement peur au cinéma devant des films de genre, en fait, alors que je regarde le cinéma. Alors après, à quoi c'est dû? Est-ce que c'est dû, par exemple, aux avancées techniques? Parce que c'est vrai qu'il y a les effets numériques qui ont carrément pris le pas sur le maquillage. Ouais. Je parlais en première partie du Jour des Morts-Vivants. Le Jour des Morts-Vivants, qui est un film de zombies, vous voyez ce film-là, c'est 100% maquillage. Il y a une scène avec des intestins, tout ça. Alors aujourd'hui, ce serait interdit, et tant mieux, j'ai envie de dire, mais c'est des intestins d'animaux décédés qui sont utilisés pour le tournage. Et d'ailleurs, le making-of est génial, vous pouvez le retrouver sur YouTube. On voit l'acteur qui se pince le nez parce que ça sent mauvais. Oui, ça m'étonne. Boyau d'animaux morts, quoi. Ouais. Mais c'était génial. Enfin, pour le coup, à 6 ans, vous voyez ce film-là. Oh là. Moi, ça me plaît. Ouais, enfin, même, par exemple, le premier Carrie à la fin, c'est du faux sang, machin. Aujourd'hui, vous voyez le remake de Carrie, je crois que c'est du sang numérique. Mais quoi, le sang numérique, ça se voit à 3 km. Hein. C'est dégueulasse. Dans le premier. Dans le remake de Carrie Non, c'est pas du sang numérique, je crois pas. Ou alors c'est un mix des deux, mais dans le premier. Ah, j'ai trouvé que c'était pas le pire des remakes, moi, le remake de Carrie, quand même. Non, c'est. Après, je trouve que le film de De Palma est tellement kitsch. Oh non, moi j'adore ce film. Ouais, mais du coup, je sais pas, le remake m'a moins choqué. Moi, le film de De Palma, je l'ai pas trouvé dingue. Donc, après Carrie, c'est pas une histoire que je trouve dingue non plus, mais. Bah, le sang numérique, dans 300, oui, c'est du sang numérique pour le coup. Bah, dans Evil Dead, hein, le remake de Fede Alvarez, justement. Donc, ça rejoint les remakes, en fait. Il y a des bons remakes, hein, par exemple, j'aime bien le remake de Massacre à la tronçonneuse, que j'ai revu il y a 3 jours. Je l'ai pas vu. Qui est sorti en 2003 de Marcus Nielsen. Franchement, il est bon. Alors, il est différent du film de Tobe Hooper. On va pas singer le film de Tobe Hooper, mais c'est pas grave. Je trouve que ça s'apprécie quand même. Alexandre Aja fait quand même un bon boulot avec La Colline à des yeux. On a eu quand même des remakes qui sont démarqués. Même le Halloween de Rob Zombie, qui n'est pas un film que j'aime beaucoup. Enfin, j'aime bien la première partie, j'aime pas la deuxième. Ouais, on en avait parlé dans le hors-série spécial, hors-série saga Halloween, justement. Là, c'est... Ouais, et bah, du coup, c'est vrai que voilà, il y a eu quand même des bons remakes, mais c'est vrai que je trouve quand même que... je pense aussi, tout simplement, qu'on a tout fait dans le cinéma de genre. Tout a été fait. À l'époque, c'est nouveau. Vous voyez l'Exorciste à l'époque en salle. J'imagine même pas comment les gens devaient être traumatisés. Aujourd'hui, l'Exorciste, vous leur passez en salle, les gens se marrent. Parce que bon, maintenant, on est plus habitués à ça. Avant, c'était événementiel. Et le truc, c'est qu'aujourd'hui, en plus, oui, l'Exorciste... une gamine qui sort des trucs pareils et maquillée comme ça, ça effraie plus en fait. Alors que bah non. Quand c'est sorti, jamais on avait vu des déjà jamais on avait rarement vu un enfant au centre d'un film d'horreur être et le dire gros mot. Enfin, tu ah vois, oui, c'est le truc interdit quoi. Mais c'est surtout qu'elle joue super bien. Je sais plus comment elle s'appelle l'actrice, mais Linda Blair. Oui, voilà, c'est elle est parfaite pour le rôle. Hein. Moi, L'Exorciste, c'est je trouve que c'est un bon film. Moi, c'est pareil. Hein. 73, qui me fait pas forcément peur, mais mais je bon après oui, il va me mettre mal à l'aise hein, par moment, mais c'est plus les petites ça va plus être dans les détails qui va me faire peur ce film. C'est les petites apparitions comme ça très furtives du diable dans à l'image, mais par contre le film en lui-même ne me fait pas forcément peur, va me mettre mal à l'aise, mais c'est surtout qu'il est tellement bien joué par les acteurs que c'est c'est une ambiance avant tout. Ouais, c'est un film qui fonctionne très. Ouais, c'est un film d'ambiance qui fonctionne très bien et qui est assez dramatique aussi. Hein. Ouais. Parce que c'est à quand la même fin, une mère tragique, qui se bat pour sa fille, qui essaie de sauver sa fille coûte que coûte et non c'est et pour le coup là on est vraiment dans le film générationnel, hein, L'Exorciste. C'est clair. Je vais essayer de vous retrouver pendant qu'on continue des extraits. Je sais que c'est il y a sur YouTube les parties de L'Exorciste qui me font vraiment. mais je pense justement que voilà, comme avant c'était très événementiel, c'était et qu'aujourd'hui, maintenant comme il tout a été à peu près fait, il en sort tout le temps aussi. Hein. Ils en sortent tout le temps, donc maintenant c'est pour ça que les films de genre qui font qui intéressent plus, qui font plus l'unanimité critique, ce sont les films qui sortent un peu des clous et qui ont une démarche plus expérimentale, différente, parce qu'honnêtement, faire 15 000 Annabelle, franchement, ça sert à rien. Ça sert strictement à rien. Maintenant c'est dommage. Moi, comme je disais, que les slasher, c'est plus un genre qu'on voit. Parce que je pense que, bon, ils ont essayé d'en refaire. Hein, là, il y a le truc horrible, là, je sais plus comment, The Rental, le film de Dave Franco, là, qui était un hommage à Halloween de Carpenter. Bon, il a dit que c'était sa référence. Ouais. C'est bien d'avoir des références, mais ça ne donne pas non plus du talent pour faire un film. Mais ça, c'est encore autre chose. Après, il y a aussi. Alors, la bonne nouvelle aussi dans le cinéma de genre de ces dernières années, en tout cas à partir des années 2000, c'est le cinéma d'horreur français. Je trouve qu'on a fait quand même des bonnes choses. Alors, s'il y a bien un domaine où je m'y connais pas, c'est ça. Il y a Haute Tension. Alexandre Aja, avec Haute Tension, il a quand même lancé. Moi, j'ai vu que Piranha 3D d'Alexandre Aja. pour le coup, qui est un film américain. Mais après, ce que j'aime bien aussi, voilà, c'est les nouvelles propositions. Par exemple, le fun footage, même s'il y avait eu Blair Witch, tout ça, qu'Animal Holocaust. Bah, c'est vrai que j'aime bien. C'est un genre que j'aime quand même plutôt bien. Parce que je pense que je me sens plus impliqué en tant que spectateur devant un fun footage. Honnêtement, Rec, je le trouve traumatisant. Le premier Rec. Oui, non, mais Rec, honnêtement, il y a des meilleurs films de zombies que Rec. Mais en termes d'immersion, pour le coup. Oui, il y en a pas beaucoup qui sont comme ça. Hein. Ah bah non. Ah bah non, mais même. Voilà, non, mais même. Aucun. aucun, ouais, c'est ça. Mais c'est pareil, après, on a essayé de faire un peu la même chose. Enfin, il y a eu des. Il y a même eu un remake en quarantaine, là, le film américain. Oui, mais c'est ce que je te disais. Donc voilà, non, je pense que malheureusement, je sais pas comment je peux définir, parce que c'est une question qui est extrêmement vague, mais l'évolution après, encore une fois, tu l'avais dit, Axel, c'est Eddie qui avait dit ça, c'est très propre à chacun, c'est très subjectif finalement. Parce que finalement, quelqu'un qui aime le cinéma de genre, il y en a un, il va dire oh, moi je préfère la comédie, je préfère les films paranormaux, moi je préfère les slasher. Donc c'est extrêmement compliqué de répondre à la question. C'est vraiment une affaire de sensibilité. En fait. Mais oui, moi, Conjuring, ça me plaît parce qu'en fait, je m'attache vraiment au personnage. Moi, ça me touche en fait que ça soit. Bah, c'est une tragédie familiale. Voilà, c'est ça. Le premier, c'est horrible, hein, franchement. Ça me fait de la peine pour eux. Et c'est pourquoi j'aime autant ce film-là, c'est parce que c'est la première fois, je crois, que devant un film d'épouvante, j'avais les larmes aux yeux à un moment. Parce que j'avais de la peine pour cette famille qui était déchirée. Et c'est pour ça, je trouve que ça fonctionne bien. Et parce que dans les films d'horreur, ce qui marchait un petit peu aussi, enfin ce qui marchait surtout bien, c'était aussi l'épaisseur des personnages. Je veux dire, la plupart des personnages emblématiques des films d'horreur, honnêtement, post-année 2000, j'en connais très peu. On se souvient de Laurie Strode, on se souvient de Sidney Prescott, on se souvient, même si elle n'est pas ultra, voilà, mais de Nancy Meyer dans Les Griffes de la Nuit. En plus... Le slasher m'intéresse beaucoup dans les années 80-90, c'est que c'était un cinéma ultra féministe. Ah bah oui. Et c'était même, c'est, par définition, le slasher est un genre féministe parce qu'on parle quand même, il y a une dimension sexuelle qui est évidente, hein, c'est toujours très métaphorique à ce niveau-là. Et c'est vrai que quand on voit Sidney Prescott, quand on voit, enfin voilà, alors qu'aujourd'hui, maintenant, ils vont nous vendre des films sur des concepts féministes, mais sans développer les personnages, ça ne sert à rien. Mais a priori, sauf dans Invisible Man ou. Ouais, bah voilà, ça, là c'est un peu, ouais. C'est un peu le. Ah, moi je l'ai pas, faut vraiment ça que fait je du bien. Ça redonne foi quand même. Oui, c'est ça. Dit, ah, ils peuvent faire des choses. Parce que honnêtement, là on était un peu dans. Enfin, ces dernières années, le cinéma d'horreur, faut pas se cacher, c'est clairement flou, il y a pas vraiment de direction précise. Et là, pour moi, cette nouvelle vague, entre guillemets, qui a commencé un peu avec It Follows, etc., ces nouveaux films d'horreur vraiment à concept. Moi j'aime beaucoup et je trouve que ça redonne foi justement en cinéma d'horreur qui était un peu perdu. It Follows est hyper oppressant, je trouve. Ouais, ouais. Ah bah oui. C'est pas forcément extrêmement gore ou quoi que ce soit. Non, bah non. Si, It Follows c'est plus quand il y a des passages un peu gore, ils sont marquants pour le coup. Ouais. Mais c'est plus, ouais, c'est un film d'ambiance malsain. Mais c'est pas forcément un film que j'arrive à revoir beaucoup. Je l'aime beaucoup, hein. Je l'avais mis dans mon top. Il devait être numéro 3 d'un de mes tops de l'année, je sais plus. Enfin, quand il est sorti. 2015. Je sais pas si. Enfin, j'ai dû le voir deux, trois fois, c'est tout. Mm-hmm. Mais c'est un excellent film. Il est très marquant, It Follows. Hein. Même la musique et tout. Ouais. Et puis ce personnage, cette espèce d'entité qui avance inlassablement. Mm. On est vraiment dans le croque-mitaine, dans le. Ouais. Tout est très modernisé, mais ça fonctionne très bien. Puis alors, puis il y a tout le background derrière sur les MST, les MST, le passage vers l'âge adulte et tout. Oui, parce qu'il y avait des propos et dans les films d'horreur, j'aime bien quand il y a un semblant. Même l'Exorciste, il y a un propos sur notre rapport à le combat entre la science et la foi, tout ça. Et ça, je trouve ça intéressant. Maintenant, effectivement, on a beaucoup de films qui reposent juste le jumpscare. Le jumpscare, ce n'est pas de la peur, c'est du réflexe. Non, mais le jumpscare, c'est un art. Un jumpscare bien fait que tu vois pas arriver, quand c'est bien fait, ça fonctionne. Hein. Ben oui, mais il y en a qui l'ont compris parce qu'ils ont une démarche, une démarche d'auteur et tout. Même, alors il y en a un, il faut quand même qu'on en parle, c'est Sam Raimi, forcément. Sam Raimi, lui, ce que j'aime bien aussi, c'est. Parce qu'on avait toujours, à un moment donné, moi je trouve, les années 80, bon, c'était un peu le plein boom, il y avait plein de cerveaux de génie qui sont venus, les années 90 aussi. Mais c'est vrai qu'on a pu vraiment, à part James Wan dans les années 2000, on a qui véritablement. En tant qu'auteur, en tant que réalisateur de films de genre, avec une vraie identité, une vraie personnalité. Par exemple, Sam Raimi, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas trop Evil Dead, même le deuxième, qui est son film le plus personnel, je trouve, mais c'est du cartoon horrifique. C'est un délire, c'est l'alliance parfaite entre la comédie et l'horreur, mais l'horreur, le gore à l'extrême. J'ai rarement vu un film aussi gore qu'Evil Dead, quoi. Ça, ah oui. Ça, c'est un déchaînement. Moi, je connais j'ai jamais vu. Mais c'est très fun, Evil Dead 2. On regarde ça parce que, en fait, pour l'info, Evil Dead 2 n'est pas la suite du 1. C'est un remake déguisé. C'est un auto-remake. Ouais. C'est un auto-remake puisque à l'époque, Evil Dead 1 était sorti. Sam Raimi avait fait ça parce qu'il savait que le cinéma de genre, c'était un genre qui était fédérateur. Il a fait ça en gros avec les moyens du bord et puis un studio qui commandait un peu tout. Mais il n'était pas fier, même aujourd'hui. Si on lui demande le film qu'il aime le moins, je pense qu'il va dire que c'est Evil Dead. Et du coup, quand on lui a dit. Evil Dead a marché, on te donne l'argent pour faire le 2. Il a dit oui, d'accord, mais je vais faire l'Evil Dead que je voulais faire. Du coup, le 2, c'est un remake, clairement. Hein, c'est un auto-remake du premier. Et qui d'autre que Sam Raimi pouvait remaker sa propre œuvre? Ouais, c'est sa director's cut, quoi. En gros, voilà. Et voilà, le release de Raimi. Et encore une fois, voilà, je pense qu'il y a à boire et à manger dans toutes les époques. Après, l'évolution, elle est ce qu'elle est, mais... Au jour d'aujourd'hui, le cinéma de genre que je consomme aujourd'hui, que je préfère, est radicalement différent de celui que j'aimais entre guillemets autrefois. Honnêtement, aujourd'hui, les films de fantômes m'intéressent un petit peu moins, même si, bon, je sais que c'est un sujet en brouille, mais j'adore Unfriended Dead qui, pour moi, était assez novateur. Moi, j'aime bien le cinéma un peu novateur. Quand on me sert 15 fois la même soupe, au bout d'un moment, ça me lasse, ça m'ennuie tout simplement, et c'est vrai. Quoi de plus chiant que là, pour le coup, les films de fantômes en ce moment, c'est pas. Ah le ouais. truc de fantôme qui m'a vraiment marqué dernièrement, c'était une série et c'était The Haunting of Hill House. Et j'ai, j'ai pas vu la saison 2, la Bly Manor. Là. D'accord. Mais ouais. pour le coup, ça c'était vachement bien. La série, elle est extra. Ok. Et par, mais ouais, parce que c'est y a une dimension dramatique aussi. Donc c'est très, très dans la vibe actuelle de, des Conjuring et tout, mais ça fonctionne bien. C'est, voilà. Moi, moi, c'est, moi, je suis assez client de ça. Après, les films de fantômes, même les anciens, les trucs à la Poltergeist et tout. Bah, Poltergeist, c'est plus un film d'horreur familial. Ouais, franchement, ouais, ouais. moi, j'avais été un peu, ouais, un peu désappointé quand je l'avais découvert. Hein. Je m'attendais à un truc vraiment terrifiant et tout. Ben, ben, non, le... c'est très kitsch déjà, même pour l'époque. Donc, j'ai bien aimé, mais sans plus, quoi. C'est... Je trouve que c'est un film qui est agréable à regarder, mais qui fait plus peur. Mais par contre, quelque chose qui s'est inspiré de ce film et qui fait vraiment, enfin, qui fait vraiment peur. Et on n'a pas parlé vraiment de, à part les films américains et les films français, on en a vraiment vite parlé. Mais le cinéma d'horreur, par exemple asiatique, tout ce qui est Ring, tout ce qui est The Grudge, etc., qui ont eux aussi eu leur remake aux États-Unis. Plus tard, avec plus ou moins de réussite. Bah, moi, j'ai vu que le remake américain là de. De Ring. Gore Verbinski là. Ah, ouais, de Ring. Ouais, ouais, ouais. C'est, j'ai pas trouvé ça dingue. Hein. C'est pas. Ouais, non, c'est pas. Moi, je préfère. Esthétiquement, c'est, trop c'est le... très bien, hein, mais par contre. Après, Personnellement, je préfère le tout premier Ring qui est sorti en 98. Moi, j'aime pas Ring, le premier. Tu n'aimes pas de Hideo Nakata, le tout premier? Non, par contre, Hideo Nakata, il en a fait un formidable, c'est Darkwater. Ouais, alors, Darkwater, lui, ouais. Voilà, voilà. Ça, faut le voir. Justement, Eddie, toi qui aimes Conjuring, on retrouve cette veine un peu tragique, familiale. Ouais. La fin de Darkwater, elle est juste bouleversante. D'accord. Je pense que. Après, voilà, après, c'est le cinéma asiatique, faut l'appréhender. Eh ben, un film coréen qui m'avait mis très mal à l'aise. The Stranger Ouais. Ouais, j'y ai pensé aussi. Et j'ai bien aimé The Stranger. Alors pour moi, on est plus sur du thriller que du film d'horreur. Mais alors pour le coup. Mais ça part dans le fantastique quand même. À la ça part dans le fantastique, mais alors c'est vrai que là, celui-là. Et en plus, c'est vraiment un film qui joue sur la durée. Il est long, hein, The Stranger. Il doit durer 2h30, je crois. Oh là là, j'avais trouvé ça hyper oppressant et tout. Ouais. Il était bien celui-là. Ouais. Le climax de fin, il est assez. Ouais, il est vraiment. Et bien puis esthétiquement, c'est très très très bien aussi. Ils ont une patte les Coréens. Enfin même bon même si c'est pas de l'horreur pure, c'est un peu de l'action. Mais Dernier Train pour Busan, c'est pareil. Bah aussi, on est quand même sur de l'horreur. Hein. Oui, bah c'est du film de zombies. Hein. Un peu à l'action, mais c'est. Bah dernier film de zombies convaincant pour moi, c'est celui-là. Ouais. C'est... Ah, j'ai pas vu la suite, Peninsula. Non, mais apparemment, c'est pas ouf. Hein. Ouais, bah, tout le monde dit que c'est... Ouais, et je voulais aussi parler de... Bon, c'est un film que je sais, Eddie, toi, tu n'es pas super fan, mais j'ai découvert ça récemment et j'ai pris une petite claque parce que c'est un film qui m'a vraiment fait peur. Et on n'a pas parlé, mais personnellement, dans les films d'horreur, c'est assez compliqué de me faire vraiment peur, de me faire vraiment flipper devant un film d'horreur. Et Mr. Babadook, c'est un... Ouais. Oui, oui, il est bon. Moi, j'ai trouvé que c'était un film qui faisait vraiment peur. Oh, ouais. Il râle. Ouais, voilà. Oh, j'ai trouvé ça plan-plan, moi. Oui, non, si, pas, les ça peurs ça... enfantines, un peu, où tu te caches derrière ta couette, ouais, bon. Je sais pas, le personnage, tout ce qui représente l'absence du père, etc. Et oui, aussi, ah ben ça, oui, d'accord, mais après, je sais pas, j'ai trouvé ça... Et visuellement, j'ai trouvé ça... Enfin, ouais, bah en fait, tout ce qui m'a pas plu. Quoi. Ouais. J'ai vraiment bien aimé. Non, j'ai été déçu, je m'attendais à aimer ça, mais j'ai pas. Et voilà comment on prouve qu'un film d'horreur, c'est vraiment personnel, subjectif. Oui, voilà, c'est ça. Ouais, voilà, enfin, tout ce qui se passe un peu asiatique ou Australie avec Mr. Babadook, c'est aussi une vague que j'apprécie pas mal. Je voulais aussi parler en cinéma français, on n'en parle pas souvent, c'est un film des années 60 qui s'appelle Les yeux sans visage de Georges Franju, qui est un film assez traumatisant aussi, qui est à ma connaissance un des premiers films d'horreur français, et qui est vraiment c'est pas on nous montre pas vraiment les choses, mais c'est un peu de l'horreur sur de la chirurgie, etc. Et c'est pas pour moi, voilà, ça. C'est... Comme ton truc sur le dentiste, Morgan. Ah, c'était bien. Ah ouais, quelle horreur. Mais alors, non, le pire, c'est que moi, j'allais chez le dentiste 2 jours après. Mais là, pour le coup, en termes de maquillage, il y a cette... C'est de quel film dont vous parlez? Mais le dentiste. Le film Le Dentiste. Ah, ça parle d'un dentiste de renom qui, en gros, va voir sa femme en pleine infidélité, on va dire. Voilà, qu'il le trompe. Et en fait, il va devenir fou. Il va commencer à avoir des pulsions morbides envers ses patients. Et le premier est un film. Mais qu'est-ce qu'il y a alors, déjà de plus stressant? Enfin, je sais pas vous. Moi, j'ai un peu la phobie du dentiste. Simple détartrage, moi, ça me passe partout. Hein. Je peux pas. Savoir qu'il va me racler les dents. Là. Déjà, j'entends le bruit de la fraise. Là. Comme ça. Je suis en PLS sur le machin. Et il le voit. Hein. Je suis cramponné. Je pense qu'il y a toujours les marques de mes mains à à la table, au siège d'auscultation. Là. C'est horrible. Mais bah, le dentiste du film, il t'attache les mains. Il t'ouvre la bouche sans anesthésie. Mais en plus, c'est bien, c'est qu'on voit vraiment tout. On voit, on voit la dent éclater. Les nerfs. Je trouve. Et là, pour le coup, la réussite du film-là, qui n'est pas tant une réussite de mise en scène parce qu'on est dans un film fauché, c'est le maquillage, c'est que de la prothèse, du 100% naturel. Ah bah oui, naturel. De la prothèse dentaire. Ouais, mais ça, pour le coup, c'est assez... le genre de film qu'on verrait aujourd'hui, il n'y aurait plus aucun intérêt. Même les films, par exemple, d'animaux. Là, c'est un genre qu'on ne voit plus vraiment, les animaux un peu... Ouais, les animaux tueurs, par exemple. Alors, Anaconda, le film n'est pas... Anaconda, Cujo, Lecplécide et tout ça là, ouais. Ouais. D'ailleurs, on voit pas assez d'animaux. Alors, c'est mon animal préféré, le crocodile. On voit pas assez de crocodiles au cinéma. Il y a eu le truc. Il y a eu Crawl, dernier. Crawl, ouais, c'était bien ça. J'ai pas vu moi ça, mais frère, je pense que j'aimerais bien. C'est très bien. Ouais, c'est très bien. Ouais. Pendant la période de confinement, ça passe tout seul. Ouais. Non, après, il y a eu quoi en film d'animaux? Si, il y a les films de requins quand même. Oui, on a pas parlé du plus grand film de requin, Les Dents de la Mer. Le premier, Les Dents de la Mer, oui, quand même. C'est peut-être un des plus grands films, pour moi, un des plus grands films de tous les temps, clairement. Et il est extraordinaire ce film, je trouve que même mais si... Mais les suites sont de vraies horreurs, pour le coup. On est dans le thème aussi. Mais oui, c'est d'ailleurs, vrai que... je crois que Netflix vient de mettre le 4, donc je vais pouvoir me mettre à jour, j'ai vu, les aurais tous vus. D'accord. Ouais, ouais. Mais moi le requin qui s'attaque à un jet privé, j'ai envie de voir ça. Non, j'ai jamais osé voir la suite. Moi aussi, j'ai jamais regardé ni le 2, ni le 3, ni le 4. C'est... Eh ben, moi je les ai vus. C'est comme Psychose. Pourtant, Psychose 2, il paraît qu'il est bon. Hein. Après, là, le premier était. Le premier est imbattable, quoi. Clairement. Instinct de survie, c'était pas mal. Et Peur Bleue, Paul Morgan, oui, effectivement. Peur Bleue, le film de requin Peur Bleue est assez cool dans le genre. Ouais, il est bien. Ouais. Mais bon, Psychose, c'est pas bien parce qu'on voit, trop que c'est mal fait, c'est la douce. Bah oui. Bref, du coup, je pense qu'on a assez parlé de cette évolution du cinéma horrifique durant ces dernières décennies. Ouais, parlons du Covid maintenant. Non. Ah non. Non. Le Covid n'existe pas. Interdiction. Je rigole. Du coup, on voulait parler de. On va faire un petit top 3 de nos scènes d'horreur les plus marquantes. Qui nous ont vraiment fait le plus peur. Mon père sur ma mère en 2004. Ah, Morgane, t'es dégueulasse. C'était traumatisant. Je rentrais de l'école, j'ai vu ça. Je me suis dit, ta gueule, papa, retire-toi, s'il te plaît. Bon, je sais pas si je censure ou pas, si je vais couper. Non, on censure pas. Ok, on censure rien. Je verrai à la réécoute. Du coup. On va faire un petit top 3 du coup de nos scènes d'horreur les plus marquantes. On va faire de la troisième à la première. Je vais laisser Morgane commencer. Comme je vous l'ai Alors en numéro 3, j'ai mis la scène du placard dans Halloween de Carpenter. Ouais. Oh. Elle est emblématique celle-là. Ouais. Avec le cintre. La fille dedans là. Oui, la fille, c'est Jamie Lee Curtis. Non, mais non. Ah oui, non, c'est pas celle-là que je pense. Ah non, c'est la scène. Il y a une autre scène du placard où on en retrouve une qui est morte dans le placard. Attends. Je vois, oui. C'est dans. Enfin, si, dans Halloween, non? Attends. Ouais, bah oui. Ouais. Oui, c'est dans celui-là, ouais. mais je parle pas de cette scène-là. Ouais, je parle mais d'une autre. Justement, la scène elle trouve ses amis morts dans le placard, mais après, dans un autre placard. Elle se cache dans le placard et il y a Myers qui défonce le placard et tout. Cette scène est assez, assez incroyable. Elle est belle cette scène d'une certaine manière, mais elle est incroyable. Elle est magnifiquement filmée. Enfin, de toute façon, ce film. Bref. Bah oui, on en parlera. Je pense, après. Numéro 2, j'ai mis alors la scène d'intro du jour des morts vivants. Alors pour resituer le contexte, on voit des militaires se poser dans une ville. Il y en a un qui tend un, pas un microphone mais un mégaphone à la recherche de survivants, et en VF c'est assez flippant, et en fait la ville est complètement déserte, et avec sa voix qui résonne dans le microphone, les zombies se réveillent, et on voit le réveil des zombies et tout, qui sont mais tellement bien faits. La musique est flippante à souhait, et le titre qui apparaît, on voit un journal par terre avec écrit The Dead Walk, et on voit une ombre apparaître, et on voit à ce moment-là un zombie défiguré avec le visage en sang, et là il y a le titre qui apparaît. Cette scène-là, je l'ai vue, bah, j'en parlais dans l'intro, à 6 ans, ça m'a marqué, et encore aujourd'hui, j'ai le sang glacé devant cette scène. Je trouve que cette scène. Des scènes qui t'ont traumatisé tout petit, moi j'ai toujours du mal à les revoir aujourd'hui. Je prends un plaisir à les revoir parce que voilà, bah, en soi j'étais traumatisé par. Ah mais moi il y en a une que je vais citer et je peux, de toute façon je peux plus revoir le film. Hein, ça me J'ai hâte. Et la numéro 1. Alors est-ce que c'est la meilleure? Je ne sais pas, mais pour moi c'est la plus marquante, une des scènes d'intro les plus emblématiques de l'histoire du cinéma. J'ai envie de dire c'est la scène d'intro de Scream. Eh ben oui. Elle a posé les bases, elle est fondatrice, elle a été référencée, parodiée. C'est une scène qui, dans le genre culte, ça se pose là, et bien là. Qui pose un concept de film d'horreur génial. Et là aussi, je vais faire un parallèle sur le slasher. Un bon slasher, c'est quand on comprend à minima les motivations ou la méthode du tueur. Là, on comprend dès lors que, en plus, ça donne du name dropping incroyable. Une mise en abîme du cinéma géniale, Wes Craven qui tacle les autres Freddy en encensant le premier Freddy, alors qu'on sait tous que c'est lui qui a réalisé le premier film. Ce concept du tueur masqué. Oui, c'est vrai. Le 3 est très bien. Oui. Le 3 est super. Ouais. Et celui qui a réalisé après le New. J'ai pas vu. Et bien, ce concept du tueur qui fait un interrogatoire au téléphone sur le cinéma d'horreur à ses victimes avant de sévir, je trouve ça génial. Et c'est tout, c'est le contexte, le côté. La première scène de Scream, c'est juste un monument de réalisation. Vraiment. Ouais. Moi, je peux pas voir cette scène sans penser à Scary Movie, et ça me dérange parce qu'elle est tellement. Mais bien. C'est con. Hein. Ouais, voilà, c'est con. C'est vraiment dommage, franchement. Ouais. Mais pourtant, elle est excellente. Hein, mais même Drew Barrymore, elle est trop bien dans cette scène. Du coup, Eddie. Moi, en fait, c'est que je les avais pas vraiment classés. Mais du coup, je vais les classer. Ouais. Après, et du coup, alors, c'est cette fameuse scène que je ne peux plus revoir, même en extrait sur YouTube et tout, je peux plus. C'est la métamorphose en loup-garou, dans le loup-garou de Londres. D'accord. Elle est horrible cette scène. C'est tellement bien fait et on ressent vraiment toute la souffrance du personnage quand il se transforme et tout. C'est horrible. Donc ça, je ne peux pas, et je ne peux plus ce film parce qu'il me fait vraiment trop flipper. Et on en revient à ce qu'on disait. Moi, les maquillages fonctionnent mieux là pour le coup. Un loup-garou qui n'est pas réaliste. On voit que c'est du costume, mais ça me fait plus peur. Le côté costume d'Halloween me fait plus peur qu'un maquillage. Allez savoir pourquoi. Je ne sais pas. C'est parce que ça paraît plus réel, hein, tout simplement. Ben, j'en sais rien. Mais ces gros yeux jaunes et tout ça, voilà. Et c'est pour ça d'ailleurs aussi que le clip de Michael Jackson me faisait peur aussi après, parce que c'était très proche du film. En deuxième, je mettrais toute la scène dans l'escalier de Shining, parce qu'on n'a pas trop parlé de Shining quand même. On va en parler. Après. Voilà. Mais la scène dans l'escalier de Shining, qui est un chef-d'œuvre, où Jack Nicholson menace son épouse dans le film. Il n'y a pas de sang, il n'y a rien. Mais il est tellement flippant. Ouais. Et il grimpe comme ça les escaliers petit à petit et tout. Ça me fait vraiment peur. Bon, comme il y a beaucoup d'autres éléments dans le film qui peuvent faire peur. Il est très très malaisant. La chambre. Et après, je rejoins Morgan pour la première. Moi, c'est l'ouverture de Scream aussi. Ok. Qui est vraiment. Ça c'est. Le plaisir est là à chaque fois. C'est tellement génial. Et ça se termine sur le cri de la mère qui découvre le corps de sa fille après. Affreux. Hein. Mais j'adore ce. De toute façon, j'adore ce film-là. Mais c'est vrai que cette scène-là. La scène d'intro. Tout ce début-là. Aussi, moi, j'aime beaucoup. Et puis pour ceux justement, et il y a un truc qui est grandiose dans cette scène-là, c'est au moment où il demande qui est le nom du tueur dans Vendredi 13. Ouais. Tout le monde dirait Jason. Non, mais ouais, en fait, bah non, on est con. C'est le premier. D'ailleurs, on n'a pas parlé de Vendredi 13, mais pour le coup, c'est une escroquerie. Le problème, c'est que pour avoir un bon Vendredi 13, il faut attendre le troisième. Quoi. Donc, et encore. Mais après, voilà, c'est plus compliqué. Moi, le 1, quand je l'ai découvert, j'étais vraiment dégoûté. Hein, parce que je m'attendais à voir Jason et en fait c'est la mère de Jason donc cette espèce de mémère de pourri là. Non mais franchement tu vois que c'était vraiment pour surfer sur la vague de Halloween et de des griffes de la les griffes de la nuit je crois qu'il est pas encore sorti mais vraiment sur le genre tout de suite quoi pour capitaliser tout de suite oui il faut un tueur masqué enfin faut encore des jeunes voilà, c'est ça, prendre c'est ça. Ça a révélé Kevin Bacon en même temps. Ouais. très bien. Et oui, je voulais dire la scène du début du 2 aussi de Scream. J'aime beaucoup aussi le fait que tout le monde soit masqué dans le cinéma, même si elle est un peu rigolote quand même, mais elle est pas. Ouais, mais la fin de la scène est pas. Ouais, elle est pas drôle du tout. Non, pas du tout. Hein, devant l'écran là, là là. Ouais, c'est tellement. C'est génial et triste en même temps. C'est quoi. Ça. Wes Craven, il est vraiment génial parce qu'il arrive vraiment à allier la comédie et l'horreur et finalement passer vraiment dans l'horreur totale. C'est génial. Mais là où il est fort, c'est que comme dans la scène d'ouverture du premier, c'est qu'en plus les personnages, on les connaît pas en plus. Ouais, le film commence juste. C'est ça qui est fort. Mais étrangement, je m'attache plus aux personnages du 2. Mais je les trouve plus rigolos, quoi. Ouais. Donne-moi du fric, t'as pas de blé. Si j'ai du blé, mais c'est le tien que je veux dépenser. J'adore cette réplique. Ou même, d'ailleurs, je l'ai revu il y a une semaine et demie. Les questions qu'on parle justement, la présence des noirs dans le cinéma et tout, je me dis mais il est fort Wes Craven parce que c'est ce genre de questions dont on se pose aujourd'hui. Ouais. C'est incroyable. Non mais il est en avance. Et justement, comment ne pas penser à Jordan Peele quand il demande à la caisse, vous savez pas un film entièrement noir avec des acteurs noirs, des chats noirs, des idées noires. J'adore, je trouve ça grandiose. Il y avait quand même un côté politique et puis la scène elle est pas plus marquante mais elle est plus elle est plus folle, je trouve. Elle est plus maîtrisée fondamentalement, la scène du 2. La scène d'intro du 2. Ouais. Mais elle est moins marquante. Mais Ok. Ouais. Ouais. Du coup, pour moi, comme je l'ai dit avant, c'est un peu spécial pour me faire vraiment peur. Oh, punaise. Là, ça m'a fait peur. Il y a un chat qui a miaulé. J'ai cru que c'était un enfant. Non, mais c'est le chat. Il vient de manger, donc il est tout fou. J'espère qu'il va se calmer, parce que si c'est pour vomir, c'est... C'est le chat. C'est le chat dans Scary Movie 2. On va avoir une fight avec le chat. Donc, du coup, en troisième, j'ai choisi la fête dans Get Out, quand tout le monde arrête de parler lorsque Chris Washington monte à l'étage supérieur. Moi, ça me glace le sang. Le fait que tout le monde le regarde monter les escaliers. Ce silence d'un coup. Ah, c'est pour moi, ça me glace le sang et je trouve ça terrifiant. Et quand tu vois le film pour la première fois, tu sais pas ce qu'ils ont en tête. Ouais, voilà, c'est ça. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'il... Enfin, à quoi il pense ? Qu'est-ce qui se passe dans cette maison ? Voilà, toutes les questions viennent... Enfin, tu commençais à te poser des questions avant, mais là, c'est vraiment... Tu te dis, ah ouais, il y a vraiment un truc qui va pas, quoi. En deux, je vais spoiler Psychose ou Psycho, désolé. La fin, avec la découverte du corps de la mère de Norman Bates et cette lampe qui balance comme ça et on voit le visage, le visage de cadavérique de sa mère et puis lui qui arrive avec un couteau et déguisé. Je trouve cette scène traumatisante et extrêmement flippante et voilà ça me glace le sang encore toujours à chaque fois que je la vois et je trouve de toute façon le film est extraordinaire c'est un des meilleurs films d'horreur qui a jamais été fait de toute façon même si c'est pas totalement de l'horreur c'est plus de... Oh, c'est du slasher c'est clairement c'est ça mais c'est le début du slasher et voilà c'est extraordinaire et pour moi c'est tu vois la scène de la douche on en parle c'est extra enfin parce que la mise en scène est géniale et c'est super bien fait mais pour moi c'est pas la scène la plus marquante parce que bon déjà elle a été parodiée des milliers de fois et tout ça et tu même avant de voir le film tu la connais par cœur mais c'est cette scène là je m'y attendais pas du tout en voyant le film parce que je connaissais pas la fin et ça m'a traumatisé voilà Et la première, c'est un peu tout simple, mais en même temps, je trouve ça flippant à mort. C'est Laurie Strode, avant qu'on parlait d'Halloween, désolé. Qui rentre de l'école, toute contente avec ses amis. Et puis, il y a la présence de Michael Myers qui est à chaque coin de rue. Et on sait pas où est-ce qu'il va apparaître. On regarde partout dans le plan. Est-ce qu'il est dans cette fenêtre? Est-ce qu'il est dans cette voiture? Est-ce qu'il est derrière ce buisson? Et c'est flippant à mort. Et je trouve ça mais tellement bien réalisé. Les plans larges comme ça, on voit tout. Il fait jour. Donc il arrive à faire peur alors qu'il fait jour. C'est quand même assez extraordinaire. La scène où il est derrière le drap. Là, ouais, c'est la dernière. Pour moi, c'est la fin de cette partie du film. De cette scène, elle commence quand elle est à l'école et qu'elle le voit en face, alors qu'elle est en classe. Et elle le voit devant la voiture en train de l'espionner à la fenêtre. Et après, elle le voit plus, et jusqu'à ce qu'elle le voit quand elle rentre chez elle, derrière les draps. Et toute cette partie du film, pour moi, c'est du génie pur de mise en scène et de comment jouer avec le spectateur pour lui faire monter la pression et la peur de ce personnage qu'on connaît pas du tout. On l'a juste vu au tout début voler une voiture, et puis on le voit maintenant qui. Enfin, oui, on l'a vu. La scène d'intro de Halloween aussi, on n'en a pas parlé, mais cette scène d'enfant qui tue sa sœur est aussi extraordinaire et iconique, clairement. Et dérangeante. Dérangeante. Par contre, la seule incohérence que j'ai trouvée, c'est qu'il était à l'asile donc durant tout ce temps. Où est-ce qu'il a appris à conduire aussi bien? Ouais, il conduit pas. Ouais. Écoute. Hein. Il conduit bien. Hein, il arrive, le gars, il prend des virages au calme et tout. Ouais. Tu sais, il est pas. Enfin voilà. Ouais, il sait passer les vitesses. c'est pas des automatiques à l'époque. voilà. Bref, ouais, je sais pas. Écoute, hein, c'est pas. C'est la magie du cinéma, on va dire. voilà. Du coup, on a parlé de ces scènes d'horreur qui nous ont marqué le plus dans le cinéma. Bien sûr, il y en a plein, il a fallu faire un choix, hein, c'est clair. Et maintenant, on va parler de nos... on va faire aussi un autre top 3. c'est un peu bizarre de dire ça comme ça, de nos tueurs et monstres préférés, entre guillemets. Ouais, nos créatures, ouais, voilà. Nos tueurs, nos personnages. Ouais, peut-être. Personnages de films d'horreur qui nous ont le plus marqué, qu'on préfère... que ce soit... Un personnage méchant, hein, pas d'héroïne, genre... Oui, voilà c'est ça, ouais, exactement. Je vais commencer avec Eddie. Ben, moi, du coup, je mettrais... en 3, je mettrais... C'est tout bête, hein, mais je mettrais le démon dans Inside Juice. Ouais, la gueule rouge. Darth Maul. Ouais, il est vraiment... fait flipper. Pour le coup, il est vraiment flippant. Et quand ils sont dans son antre, vers la fin et tout, c'est assez... assez flippant aussi, et la caméra il joue beaucoup l'ambiance, mais et les moments où on le voit en fait, et je crois qu'il y a la miniature de la bande annonce sur YouTube, ouais, c'est lui, ouais, et voilà, et ben c'est précisément ce passage là en fait, première fois on le voit vraiment, et c'est furtif, donc ça renforce le fait que c'est ouais quand on le voit derrière Donc voilà, il y a ça. Après après c'est plus un costume qu'un personnage, mais c'est Ghostface. C'est culte. Ouais, voilà. Et c'est plus pour le côté culte que vraiment flippant, même si c'est flippant hein, quand même. Mais mais du coup, oui, parce qu'en fait, on sait que celui qui se cache sous Ghostface, c'est toujours quelqu'un de très dangereux et qu'il vaut mieux éviter. Donc voilà, tout bêtement, c'est pour ça. Et j'ai été déguisé en Ghostface à Halloween. Il y a fort longtemps. Il a buté tous ses potes. Non, pas du tout. On se promenait avec notre citrouille et on faisait du porte-à-porte pour avoir nos bonbons. Et on était super contents. On avait récupéré quasiment 10 kilos de bonbons ce soir-là. Donc c'était impeccable. Ah, ça. La belle époque. Et ouais. Et après, le premier, ce serait Jack Torrance. Mais parce que, en fait, Jack Torrance, c'est pas vraiment un monstre. Non. Mais... c'est quelqu'un qui est sous l'emprise de quelque chose, mais en fait pourquoi ce personnage là ben, c'est parce qu'il cristallise en fait tout ce que j'aime dans le cinéma d'épouvante, c'est quand ça touche aussi au cocon familial, à l'émotion et tout ça, et du coup voilà, c'est plus une victime qu'un vrai tueur ou un monstre, Jack Torrance. Donc et du coup c'est plus exploré dans le livre d'ailleurs, le fait que ce soit une victime Mais dans le film, c'est aussi un peu montré, quoi. Et puis cette gueule de Jack Nicholson, quand il regarde son fils jouer dehors, des trucs comme la gueule figée comme ça, mais qui fait. Mais ça tient vraiment à son interprétation. Enfin, voilà, hein. C'est clairement, voilà, c'est extraordinaire ce qu'il fait. Mm. Ouais. Du coup, ben super. Morgane, allez. Alors, moi, en numéro 3, j'ai mis quelqu'un qui est à côté de moi à l'heure actuelle. Chucky. Voilà, parce que bah, voilà, vous avez 6 ans, vous voyez cette poupée qui est très belle d'ailleurs. Enfin, je veux dire, outre le côté, voilà, mais la poupée est sublime. Enfin, moi qui ai une réplique en taille réelle, je peux vous garantir, elle est magnifique cette poupée. Elle est belle. Et très flippante. Enfin, voilà, non, elle est. Enfin, oui, enfin, quand on voit le film, forcément, mais après. Dans un moment voilà, dehors. Personne. Oui. Non, je sais pas, je l'aime bien. Je l'aime bien, mais le personnage est. C'est pas Annabelle non plus, quoi, tu vois. C'est... Non, bah non, non clairement, Annabelle non, là ils ont merdé. J'ai une poupée comme ça, tu l'offres à personne. Ouais, c'est ça. Déjà, voilà. Enfin, sauf à ma belle-mère, hein, pas de problème. Mais après, voilà, Chucky, c'est un personnage que je trouve en plus étalé sur plusieurs films qui sont pas tous bons, mais c'est vrai que les deux premiers Chucky, enfin le personnage en lui-même, le concept de la poupée tueuse. Qui est pas un truc qu'on a vu énormément et c'est marquant. Le deuxième, alors je vais pas citer un personnage extrêmement connu, quoique. En fait, il a pas de nom, mais je vais citer le film, c'est Jeepers Creepers. C'est le diable de Jeepers Creepers. Mm-hmm. Pour plein de raisons, parce que, alors, un, il est la métaphore évidente de la partie sombre du réalisateur qui s'appelle Victor Salva, qui a été mis dans les années 90, puisqu'il a, durant le tournage d'un de ses films qui s'appelle Clown, il a abusé sexuellement d'un jeune garçon. D'accord. Lui, il a purgé sa peine pour le coup, voilà, et il a assumé, il a répondu de ses actes, etc. Donc, Jeepers Creepers, c'est le premier film qu'il a fait post-déconfinement carcéral. Et du coup, Jeepers Creepers, c'est évident, c'est du sous-texte, on va dire, un peu graveleux à foison, puisque le personnage du diable se revient tous les 23 ans pour se nourrir, et sa préférence se porte vers les jeunes garçons, on va dire. D'accord. Autant le 1, bon, il est assez éloquent là-dessus, mais le 2 est d'autant plus évident, puisque dans Jeepers Creepers 2, c'est carrément un car scolaire. C'est un huis clos qui se passe dans un bus scolaire où en gros le bus va tomber en panne et il y a le diable qui va rôder autour d'eux. Il y a une scène où t'as le diable qui regarde les jeunes garçons et qui fait des petits mouvements de langue lubrique à travers la fenêtre. Super. Et on se dit ok, on a voilà. Mais bon, après quand on sait pas, le film fait peur quand même. Mais c'est vrai que le personnage, cette espèce de diable et tout, qui est flippant, le maquillage, et parce que c'est que du maquillage pour le coup, il est mais traumatisant. Jeepers Creepers, c'est peut-être le film qui me terrorise le plus à l'heure actuelle. Okay. Parce que bon, quand on grandit, tout ça, bon, on prend un peu de recul et tout. Le premier Chucky me fait plus peur, par exemple. Mais le premier Jeepers Creepers, c'est flippant. Mais le personnage est profondément marquant. Il est glauque. Il est traumatisant. Il me terrifie. Mm. Et en numéro 1, bon, bah, Mikey, Michael, Mimi, ouais. Michel. Ouais. Michel Meyer dans la version, dans la VF. Il n'y a pas spécialement de background solide, à part le fait que, voilà, il s'est évadé de l'asile, il a tué sa sœur, il s'est évadé de l'asile. C'est un personnage qui est taiseux, en fait. On ne sait pas grand-chose de lui, mais c'est toute sa force vient de là, en fait. C'est quand même ce croque-mitaine vêtu d'un masque blanc, tout simplement avec une tenue de mécano, et qui va décimer des gens. C'est un concept simpliste, simple, mais génial. Et c'est marquant pour ça, et puis la musique qui va avec, quoi. Moi, tu me dis Michael Myers, j'ai la musique de Carpenter dans la tête, quoi. Donc ce personnage est marquant, voilà, ce croque-mitaine qui rôde et qui marche en plus. Le mec, il est pépère, il tue pépère, il marche, il court même pas, parce que Ghostface c'est un énervé de la vie. Mais Voorhees, il rentre dans l'art. Mais Myers, il marche, il a son gros couteau, il tue. C'est tout simple, mais ça marche. Mais il est implacable, il est froid. Ah bah oui, puis il est incroyable. Oui, aussi, oui, quand tu découvres que c'est voilà, qu'il est increvable, que même après des balles de flingue, il meurt pas, c'est encore plus flippant, du coup. Oui, voilà. Mais symboliquement, c'est celui qui me marque le plus. Ouais. Mais Ghostface, t'aurais pu... Et puis, on en a parlé dans le spécial Halloween, Morgan, mais, enfin, hors série saga Halloween, mais H20, la fin est extraordinaire aussi. C'est la vraie fin de Michael Myers. Qui est extraordinaire aussi. Mais on va pas spoiler. Et touchante. Voilà. Du coup, pour moi, en numéro 3, j'ai mis Freddy Krueger, quand même. Parce que dans ce stop, j'ai jugé un peu aussi l'esthétique du personnage. Et je trouve que Freddy Krueger, c'est un personnage qui, enfin, visuellement, il te marque clairement. Et il est, je trouve qu'il est vraiment bien conceptualisé, les griffes, enfin la main gantée, le visage, le chapeau, le polo avec les rayures. C'est vraiment, comment dire, tous les éléments visuels de ce personnage fonctionnent vraiment. Et puis en plus, c'est quelqu'un qui fait vraiment peur parce que c'est quand même un violeur d'enfants. Voilà, donc non, il viole pas les enfants, il les tue seulement. Ouais, voilà, ça dépend du film. C'est dans le remake, ouais. c'est dans le remake qu'on dit qu'il viole. Ça dépend des films. Oui, enfin, même avant, ils disent dans la saga, mais bon, on va pas parler de tous les films Freddy Krueger, mais voilà. En tout cas, voilà, Freddy Krueger en troisième. En deuxième, c'est comme pour Eddie, c'est Ghostface. En fait, c'est pas. Ce qui est intéressant dans Ghostface, c'est que c'est n'importe qui peut acheter ce masque. C'est et ça. Du coup, n'importe qui peut se cacher derrière, que ce soit quelqu'un que tu connais pas, comme quelqu'un qui t'est proche. C'est ça. Mais Scream, en fait, Ghostface offre la possibilité à tout le monde de devenir un barjo. C'est ça, en fait. Et du coup, c'est pour ça que. Mais vous savez qu'après le film, il y a eu des histoires comme de gens qui ont repris le concept. Ben ouais, malheureusement. Mais du coup, ouais, je trouve que le concept de Ghostface, c'est vraiment un bon concept. C'était un peu pris dans Halloween parce que Michael Myers. Non, oui. T'imagines. Yeah, baby. Michael Myers prend quand même un masque qu'il trouve dans un magasin pour Halloween, mais Ghostface, c'est encore plus parlant, je trouve, parce que c'est un masque qu'on a vu partout, quoi. C'est un masque qui évoque le classique, le cri. Quoi. Voilà, c'est ça. Le cri, là, le tableau. Voilà, le cri de Munch, il me semble. Oui. Voilà. Et du coup, voilà, Ghostface, c'est flippant parce que ça peut être n'importe qui. et en premier, on n'en a pas parlé du tout. Et bon, on va en reparler après. En tout cas, de mon côté, Alien. Alien qui est quand il même. Il est vrai. Juste c'est vrai, c'est un monstre. Voilà, le chara-design du personnage, je trouve que c'est extraordinaire. Bon, c'est très phallique, hein, clairement. D'ailleurs, petite anecdote, j'ai mon beau-frère m'a passé tous les aliens excepté Prometheus et Covenant, parce qu'il ne les avait pas et ça ne m'intéresse pas. Très bien, non, mais c'est bien. Mais c'est du coup, il m'a passé tous les autres et je vais pouvoir rattraper ma culture et voir les trois que je n'ai pas vus. Tu verras. J'ai très hâte de découvrir celui de James Cameron, mais je vais surtout revoir le 8e passage avant, juste pour le plaisir. Parce qu'il est très très bien. Et d'ailleurs, oui, pour le coup, si on devait choisir un monstre, pour moi, ce serait celui du premier, en fait. Oui, voilà, c'est clairement Alien. Un vrai film d'horreur dans l'espace. C'est ça, et c'est juste. Enfin, je trouve ça extraordinaire. Le design du personnage, mais aussi tout ce qu'il représente, quoi, clairement. Le fait que cet équipage soit atterri sur cette planète, que après il y a le facehugger qui est pondu des œufs dans un de leurs membres d'équipage et qui après explose de l'intérieur pour devenir après cette créature, enfin c'est vraiment malsain, c'est flippant. En plus son sang, c'est de l'acide, enfin il y a tout qui fait flipper. La deuxième bouche qui peut s'étendre et qui peut tuer. Pour moi, c'est le personnage parfait de film d'horreur. C'est-à-dire que si. Mais le soin apporté, le soin esthétique apporté, enfin plastique apporté à ces créatures, c'est encore un truc révolu. Ouais. Par contre, alors, petit parallèle, c'est vrai, par exemple, bon, je suis pas fou du film, mais la nonne, visuellement, elle est flippante. Hein. Ouais. J'ai pas vu le film. Donc, c'est ça aussi qui manque aussi, des personnages qui ont un impact visuel. La première fois, on voit la nonne dans Conjuring 2. Oui, je fais pas le fier. Cette scène-là, franchement, je sais que t'aimes pas trop le film Morgan, mais si ça te met pas à l'aise. J'aime pas le film. Enfin, c'est pas, je suis pas fou du film pour plein de raisons. Mais alors là-dessus, je me suis dit putain, où il y a un personnage qui m'a marqué. Ah oui, quoi. Et ça a marqué tout le monde, puisque c'est comme Annabelle dans le premier Conjuring, du coup, c'est ce petit personnage secondaire qui a marqué tout le monde. Ouais, ouais. Ben, bah oui, La preuve que. La preuve. Mais ouais, du coup, Alien, voilà, c'est dû au fait au design de H.R. Giger, qui était un artiste suisse assez conceptuel, mais qui a fait un boulot monstre, que ce soit pour le design des œufs, le design du facehugger et tout ça, et des costumes, enfin, bref, j'en parlerai un peu plus tard, mais en tout cas, voilà, pour moi, de tous ces tueurs, de tous ces monstres, la personne contre qui j'ai envie de moins être, c'est Alien, clairement, parce que je sais que j'aurai aucune chance de m'en sortir. Voilà. Sauf si j'ai un lance-flamme, peut-être. Donc voilà, on a parlé de ces top 3 tueurs monstres, etc. On va finir tranquillement avec notre top 3 des films d'horreur. C'est... Morgan avait proposé pour une soirée Halloween idéale. Est-ce que c'est nos films préférés? Je sais. Ouais, peut-être, pourquoi pas. Bah, moi, le concept. Voilà, si on avait trois. Voilà. C'est ça. Parce que pour moi, c'est pas totalement la même chose. C'est-à-dire que nos films d'horreur préférés et films d'horreur pour cette soirée Halloween, parce que. Voilà. Il te faut un temps mort, il te faut un truc un peu plus violent, un truc un peu plus calme, mais avec une ambiance. Enfin voilà, moi j'ai essayé de trouver c'est des ça, choses comme ça. Voilà. Morgane, je t'en prie, vas-y, dis-moi, quel est ton programme pour le 31 par exemple? Le programme que je vous ai dit là, le problème c'est que ça va pas être celui-là, puisque c'est des films que j'ai revus, mais bon. Donc en numéro 3, je vous conseille, dans le genre pas très connu, j'en parlais, de Jeepers Creepers, le tout premier, sorti en 2001. Pour le coup, là vous aurez, en plus ça dure 1h30, c'est que j'ai pris des films courts, comme ça vous pouvez enchaîner les trois. Voilà, vous regardez le premier Jeepers Creepers, qu'est-ce que vous aurez? Vous aurez un genre de slasher, véritablement, hein, avec un frère et une sœur qui vont se faire prendre en chasse par un diable affamé. Donc vous allez flipper, vous allez voir des images un peu choc, avec, comme je l'ai dit, une deuxième grille de lecture qui est absolument dérangeante. Donc c'est une bonne mise, une bonne entrée en matière pour une soirée Halloween avec quelques bonbons. En deuxième film, vous pouvez couper avec un truc un peu plus fun, mais tout aussi gore, pourquoi pas Evil Dead 2, après tout. Ouais. Là, vous allez plus vous amuser, mais en gardant un esprit Halloween, c'est-à-dire avec le contexte horrifique et gore, si vous aimez un peu les effusions de sang, voilà, et puis le film est génial, quoi. C'est pareil, ça, là, pour le coup, ça dure 1h20, c'est un rythme parfait, précis. C'est tellement fun, tellement gore, c'est un vrai bijou, c'est un petit chef-d'œuvre. Voilà. Ne regardez pas le premier, puisque comme je l'avais dit, le 2 c'est un remake, donc vous pouvez commencer par le 2, il n'y a pas de problème. Vous n'allez pas être perdu dans l'histoire. Voilà. Et en numéro 1, c'est l'évidence, quoi. C'est le premier Halloween de Carpenter, quoi. Vous finissez votre soirée avec ça. Moi, ça va être ça mon programme. Ça va être le Halloween de Carpenter, plus peut-être le 2, et plus éventuellement le Halloween 20 ans après. Okay. Voilà. Mais en tout cas, c'est sûr qu'il y aura au moins le Halloween, parce que c'est dans le mood, quoi. C'est le soir d'Halloween, vous regardez Halloween, tout simplement. Et parce que c'est intemporel, c'est un film qui est toujours aussi brillant dans son concept, qui est aussi génial. Enfin, tout est parfait dans ce film, quoi. C'est un film éminemment mythique et qui est, de toute façon, et par définition, via son titre aussi, le film le plus approprié, l'idéal, voilà, avec des bonbons, c'est parfait. Donc Jeepers Creepers, ensuite vous enchaînez avec Evil Dead 2, vous allez faire pipi entre deux évidemment, et ensuite, en vous lavant les mains bien sûr, Covid, et ensuite Halloween. Juste la bonne et justement, symboliquement, Halloween, la nuit des masques, en cette période de Covid, voilà. Mais c'est clair. Eddie. Moi j'avais pas trop classé, mais si je dois les classer, alors en fait je dirais avec lequel tu commencerais et lequel je commencerais sur les chapeaux de roue tout de suite avec Scream. J'aurais pu pour bien dire, commencer la soirée, mais j'ai pas mis Halloween, hein, donc comme ça y a pas de, pas de surprise. Entre les deux slashers, moi je choisis Scream quand même, j'ai plus de plaisir à revoir Scream qu'Halloween. Je commencerai avec Scream, parce que bah, y a le côté c'est thriller, slasher, et c'est fun aussi, parce que c'est très drôle, Scream. Et c'est toute la quintessence des années 90. Après, je continuerai sur du paranormal épouvante avec Inside You ou Conjuring. Le 1 et le 2, à vous de voir. Moi, je. Voilà. Un peu plus en dramatique. Je propose une nuit blanche. Et après, je terminerai pour finir sur un truc bien malaisant et où tu vas te coucher en te posant plein de questions. Et, en... et ben, je finirai sur Shining, en fait. Ouais. Ouais, mais ça, c'est. Ah oui, c'est pas une soirée, là. C'est carrément une nuit entière, là. Non, si tu fais Scream, que tu regardes Inside You, c'est que tu vas. Après Shining, ça te fait que 3 films. C'est pas non plus. Bah ouais, tu finis à 2h30. Oui, je te dis pas de refaire toute la saga Conjuring, toute la saga Scream. Hein. Ah oui, non, mais clairement. Ouais, non, parce tu que regardes. Là... Mais moi, je me dis, tu commences gentil, tranquille. Enfin, gentil, tranquille. Tu commences un peu fun avec Scream, tu vas sur un truc un petit peu plus sombre et psychologique avec Inside You ou Conjuring, et tu finis sur un truc bien sombre et limite nébuleux et tout. Enfin, et carrément nébuleux avec Shining, et là, tu vas te coucher en étant. Bah, pas très bien dans ta tête, quoi. C'est compliqué, quoi. C'est pas surtout que ça fait hyper peur, demi-heure, mais. Le dernier quart d'heure, là, il est... Ouais. Comme ça, tu te couches bien avec le visage de Jack Nicholson frigorifié dans la neige, ouais, là. Et cet ourson, là, qui. cet homme déguisé en ours, là. qui en chien. Absolument, un chien, là, qui est absolument atroce. Ouais. Bref. Voilà. Moi, je pense quand même que se coucher avec les visions d'horreur de Kubrick en tête. C'est pas dégueulasse. Et pour le coup, je trouve que c'est bien rendre hommage à Kubrick de terminer sur un film d'horreur baigné de lumière et tout ça. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà. Exactement. Donc moi, pour commencer en douceur, parce que le film met un peu de temps... Enfin, il faut se mettre dans l'ambiance, quoi. Alien, du coup, pour bien commencer. Et puis après, ça te stresse bien à la fin, là. C'est vraiment... voilà, tu commences en douceur avec la découverte de la planète, etc. C'est joli, machin. T'as le temps de te mettre dans l'ambiance. Et puis après, tu finis bien avec Ripley qui essaie de se débarrasser de cette saloperie. Voilà. Avec ces bruits stridents de vaisseaux là, qui n'arrêtent pas dans tous les sens. Enfin, voilà. Ensuite, un petit Halloween voilà, entre les deux. Pour réviser ses classiques, pour vraiment voilà, c'est vraiment le petit bonbon entre les deux. Et pour finir, je serai comme Eddie sur un Shining, parce que c'est, pour moi, c'est le film parfait pour finir, qui va bien te mettre dans une sale ambiance. Et vrai, Morgan n'en a pas beaucoup parlé, pourtant je sais qu'il aime beaucoup ce film, mais J'adore ce film, et c'est vrai que non. Voilà, je sais pas, non, j'ai eu envie de défendre. Bah oui, non, mais moi, c'est vrai que c'est. J'aime bien les soirées. Parmi tous les Kubrick, c'est vraiment celui que j'aime revoir le plus. Hein. J'aime beaucoup les Kubrick, mais c'est parce que c'est son plus accessible aussi, je pense. Carrément, mais, c'est peut-être son plus popcorn, entre guillemets. Oui. Pas évident, hein, Kubrick a fait de films popcorn, mais c'est vrai que c'est celui que j'ai le plus de facilité à revoir, ouais. Non, mais en même temps, de toute façon, Shining, on peut plus le présenter, quoi. C'est le classique du film d'horreur, clairement. S'il y a un film d'horreur, même en enlevant tous les sous-genres, etc., c'est vraiment celui-là qu'il faut regarder, quoi. Parce que c'est un classique, tout simplement. Puis plastiquement, en termes de mise en scène, si on veut prendre pour le coup, si on veut vraiment continuer de prendre une vraie leçon de cinéma tout en se faisant peur à Halloween, je pense que Shining, là, bon, bah. Exactement. Oui, ça fait peur. Hein. Ouais. Ah oui, non, mais moi, je suis désolé, hein, Shining, pour moi, l'exploit, c'est ça. Faire naître la peur dans un environnement aussi clair, parce que l'hôtel est. Tout se passe quasiment deux jours et dans des décors très blancs, très. En plus, c'est adapté parce qu'on parle quand même d'une famille confinée. Hein, qui... En plus, ouais. Il n'y a pas que ça. Enfin, il y a la scène de la salle de bain, il y a les explorations du petit Danny avec son petit tricycle dans l'hôtel où il tombe sur les deux jumelles. Ouais. Enfin, c'est un film très malaisant. La scène dans les toilettes avec le ou la scène de bar et tout ça, c'est pareil, métaphoriquement, c'est horrible quand même. C'est vraiment flippant. Et Le truc, c'est qu'il n'y a, a pas d'ombre, il n'y a rien. Il n'y a pas d'éléments de... horrifiques, voilà, mais il n'y a rien que les dialogues, en fait. Ce qu'on les demande au personnage de faire et tout ça, c'est ce qui va amener à toute la dramatique derrière. Ouais. Donc, non, c'est un excellent film, Shining. Et après, si vous voulez vraiment voir un Shining qui, pour le coup, est horrible et qui est un film d'horreur en soi, mais parce qu'il est mauvais, bah, c'est la version de Stephen King. La version téléfilm dégueulasse, là. En plus, ça dure 5 heures, la limite. Ah ouais, non, c'est qu'est-ce que c'est chiant. Ah ouais, c'est chiant à mourir. Avec les sculptures végétales qui bougent et tout. Non, mais, mais ça, c'est vraiment... Si vous voulez vous regarder un petit nanar entre les deux, c'est... Ouais. Mais bon. Si on avait dû faire un top des nanars d'Halloween, il y en avait aussi. Ah ouais, là, il y en aurait plein. Il n'y avait pas de problème. Hein. C'est clair, c'est clair. Ouais. Et je rajouterais, genre, film vraiment de matinée, un petit Massacre à tronçonneuse, un truc bien crade, bien dégueulasse. Un film des années 70 où tu sens la pellicule a été mal. Il y en a qui auraient dit American Psycho. Ouais, c'est vrai. Mais American Psycho, c'est un peu trop. C'est du thriller plus. Ouais, voilà, c'est ça. Un thriller psychologique. Oui, c'est ça. Ouais. Donc voilà. Écoutez, je pense qu'on a fini. C'était un bon podcast spécial Halloween. Là, on a fait à peu près 1h40. Voilà, donc c'est plutôt correct. Merci à vous tous d'avoir écouté jusqu'au bout. Merci à vous deux d'avoir participé pour ce spécial Halloween. On espère que. Ce fut un plaisir. Plaisir partagé. Et on espère que vous suivrez nos conseils pour votre soirée Halloween. Si vous n'aviez pas d'idée, prenez-vous quelques bonbons en prenant votre petite attestation à votre supérette du coin. Et puis, voilà. Évitez d'aller dans les grandes surfaces. Essayez de faire marcher les petits commerçants, là. Exactement. On va vous rappeler un peu où vous pouvez tout nous retrouver. J'aimerais aussi vous dire que si vous écoutez cette émission le 30, le 31, il y aura, comme je l'ai dit, un hors-série saga sur Freddy. Donc voilà. Comme je suis pas dans cette hors-série, vous l'écoutez pas. Écoutez plutôt celui-là. Ok. Bon, si vous êtes fan de Morgane, il y aura pas Morgane. Voilà, il y aura juste Adrien et moi. En plus, Adrien. Mon Dieu, tu veux les tuer. Mais le podcast sera beaucoup plus long parce qu'Adrien parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et il dure à peu près 2h40. Oui. Donc, voilà. Et bah, une heure de plus. Si peu. Mais oui, il y a beaucoup de films. Je crois qu'il y a 8 films, quelque chose comme ça. Donc, voilà. Le jour où vous faites un podcast spécial James Bond avec Adrien, je crois que vous prenez une année sabbatique pour le faire. C'est clair. Voilà, rappelez un peu toutes les adresses, etc. Donc moviesnerd.net, c'est le site où vous pouvez retrouver tout le podcast, etc., les critiques, notre actualité ciné. Très chargé. Ouais, non, cette année, c'est catastrophique. Voilà. Mais bon, on se rattrape avec les podcasts, on va dire. Je pense qu'on peut, on peut même commencer à le teaser. Bon, les tops de fin d'année, c'est mal engagé, on va essayer de trouver autre chose. On va faire un top 3. Non, mais c'est dommage qu'on ait grillé notre cartouche de top de la décennie, parce que ça aurait été une bonne idée. C'est clair, qu'il aurait fallu qu'on le sorte, quoi. Voilà. Oui, parce que le cinéma est mort, ça y est, on a fini. En fait, la dernière décennie cinéma, mais symboliquement, parce que le cinéma est mort, ça y est. Non, il y a encore de belles années en perspective, on espère. Non, mais on va trouver, on a d'autres idées de podcast. Il y aura, de toute façon, en novembre, là, on n'a pas encore décidé sur quoi, mais on fera hors-série saga, voilà. Comme ça je le dis et comme ça on sera obligé de le faire. Parce que mais c'est très bien, faut poser tout de suite Trucs. Exactement, donc en novembre, enfin fin novembre début décembre, vous aurez un hors-série saga sur une saga, on n'a pas encore décidé sur quoi, donc vous verrez. Et puis du coup, pour nous retrouver vous pouvez noter le podcast sur iTunes, sur PodCloud aussi, vous pouvez le retrouver sur Spotify, Deezer, TuneIn, Stitcher, toutes les applications de podcast, et une nouveauté qui est arrivée pendant l'été pour fêter les 7 ou 8 ans, je sais même plus maintenant, de Movies Nerd, on a notre chaîne YouTube maintenant. On a une chaîne YouTube, vous écoutez d'ailleurs peut-être ce podcast sur la chaîne YouTube et on vous en remercie. N'hésitez pas à lâcher plein de com, à vous abonner, à mettre la cloche et tout ça. Enfin, bref, non, vous n'êtes pas du tout obligé de le faire, clairement. Mais voilà, si vous abonnez-vous voulez, à ma chaîne. Si vous voulez vous abonner, abonnez-vous à la chaîne du podcast Movies Nerd. De toute façon, c'est juste ses émissions, mais en format un peu vidéo. Alors, voilà. Si on la trouve, parce que là, en cherchant sur YouTube, je ne la trouve pas. Oui, voilà. C'est un peu compliqué au niveau du référencement. Donc, si vous pouviez vous abonner, comme ça, on aurait un peu plus de référencement. Mais il faut la trouver. Il faut taper quoi, exactement? Mais du coup, vous trouvez tous les liens dans dans l'article de ce podcast sur le site moviesnerd.net, où vous pouvez aller sur le site moviesnerd et il y a le lien directement sur pour aller sur notre chaîne YouTube. Voilà, vous cliquez sur le petit onglet YouTube. Effectivement, voilà. C'est beaucoup plus précis. Oui. Voilà, c'est plus simple d'y aller directement. Mais oui, le référencement YouTube est pas top, je sais pas pourquoi. Tant que t'as pas 1 million d'abonnés en général. Voilà, exactement. Je crois que j'ai à peu près tout dit. Vous pouvez nous contacter sur contact@moviesnerd.net. Et puis moi personnellement, vous pouvez sur Twitter movies_nerd et sur Facebook la page moviesnerd. Moi personnellement, vous pouvez me retrouver sur Twitter sans critique, c'est thelexal, thelexal, et aussi sur moviesnerd hein, bien sûr. Eddie. Eh ben moi c'est sur YouTube, sur Twitter, sur Sens Critique, et sur Discord, sur Uplay, Steam, Zoolé, et c'est Eastark ou Eastark 91 ou Eastark Play, voilà, c'est l'un des trois. Voilà. Vous tapez tout ça dans. Voilà, vous cherchez, hein, vous faites votre petite tambouille et vous finirez par en trouver au bout d'un moment normalement. Au pire, il y a tous les liens dans l'article du podcast. Oui, voilà. Évidemment, c'est un peu. C'est bien fait, hein, c'est la technologie. Mmh. Enfin, je ne dis non, pas Uplay, maintenant c'est Ubisoft Connect. Ah bon, ils ont changé. Origin est toujours Origin et Steam est toujours Steam. Voilà. Bon, ça va, alors tout. Je ne vous ai pas sorti le Rockstar Game Launcher, mais bon, il ne faut pas non plus. On va pas exagérer. Voilà, le Social Club, là. Non, voilà. Et pour finir, Morgane, du coup. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Bah moi sur Twitter @cinémorgane. Voilà, parfait. Et puis bientôt sur Jugez-moi coupable. Hein. Hein, voilà. Oui, on va revenir. On n'a pas fait une émission et on a arrêté. Pas exagérer non plus. On revient normalement en novembre. Voilà, on vous donne pas de date précise parce que vous savez les plannings et nous ça fait 32. On vous remercie encore d'avoir écouté jusqu'au bout ce podcast. On vous souhaite un très bon Halloween. On vous souhaite bon courage pour ce confinement. Voilà, nettoyez-vous bien les mains, etc. Respectez les gestes barrières, mettez des masques. Oui. Tout ça, vous connaissez. On vous dit à la prochaine. Ciao. Salut. Ciao.